Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Floodcast! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très, très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oh oui. Ah, donc du plaisir maintenant. Bah, toujours du plaisir. Oh, hein. Jouisseur. Ouais. Bonjour, bonsoir et assez bienvenue peu, dans ce. dans le reste de ma vie, assez peu, malheureusement. Alors. Vas-y, enchaîne. Dans ce nouvel épisode du Floodcast, comme à l'accoutumée, nous sommes extrêmement. Je me branle, mais. Il a dit branle. Oh, calme-toi. Il y a un petit chien qui est là et qui est adorable. Tu te branles maintenant? Non, non. D'accord. Non, mais juste préviens les autres. Non, bien sûr. Non, mais j'aurais fait un petit tour de table avant. Oui, prendre les avis de chacun, peut-être, sur la question. Sous une frange, on peut trouver de nombreuses choses. Si vous êtes une ado des années 2000, vous étiez sûrement accompagné d'acné. Mais si vous êtes pyjama, vous êtes seul. C'est le nom de son nouvel album, bien sûr. Seul sous ma frange. Elle sort aussi un livre pour enfants avec pommes, sous les paupières. Bref, elle est sous plein de trucs du visage. C'est pyjama. C'est dégueulasse. Ouais. C'est pas pratique pour applaudir. Ouais, en fait, on peut pas. Ouais, bah ouais. Tu m'as dit de tenir mon micro, mais c'est, on peut applaudir personne. C'est bah pas ouais. Très généreux comme. Ah bah, puis c'est bien. C'est... T'as bon, en fait, je t'ai pas forcé à m'imiter. En fait. Oui, bon, bah ça va. Il influence le monde, tu peux lui en vouloir. Bah. Romain Gary, Yves Saint-Laurent ou Docteur Juif, Philippe Cousteau au SS1001 ou Feuilleman. Il est aussi Mathieu Vasseur, j'ai découvert ça. Il a le même nom, le perso. Et oui. Et des gens le savent ou pas? Même réalisateur de Un homme idéal et Boîte noire. Et il a gardé le même nom de personnage. Ah, c'est comme François Pignon, un peu. Oui, oui, oui. C'est ça. Parce que par contre, c'est pas le même perso. Sinon, comme Antoine Douanel. Comme chacun ses rêves. Voilà. Non, bah en vrai, les deux sont bien. En vrai, les deux restes sont mortels. Mais oui, je crois qu'il voulait. Je sais pas exactement pourquoi, c'est un peu mystique, mais j'ai bien aimé ne pas savoir. Très bien. Il a appris l'allemand pour France et a suivi un entraînement de pompier pour sauver au périr. Et il s'est entraîné des mois au basket pour son plus beau rôle, à savoir frérot d'Adrien Méniel. C'est Pierre Ninet. Je trouve qu'il y a un petit déséquilibre sur la présentation. Déjà, moi, t'as dit le mot acné et lui, il a appris l'allemand et tout. Oui, pas de problème. Ça va, ça va. Il y a pas de problème. Fait un effort aussi en même temps. T'as appris l'allemand? Darst. Ah, voilà, c'est ça, on y va. Qui est probablement quand même une gare en Allemagne, a priori. Hein. Ça doit forcément vouloir dire un truc. C'est pour mon ref, le vrai, pas le faux. Je te parle de mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes, hé hé, les frères, pas les potes, les traîtres, on les fuck, c'est Adrien Méniel. Putain, j'ai oui, pas la ref là. Moi je l'ai. Tu l'as là, là? Ouais, ouais, c'est Nekfeu. Je l'avais aussi. Bref, elle est un peu, à oui, défaut elle, de elle la est semi-cinématographique. Okay. C'est la chanson de fin de Five, voilà. Ah, bon, hein, bien sûr. Je l'ai vu pourtant. Et bah, oui, t'as l'air d'avoir apprécié. Hein. J'ai apprécié le film. Ouais. Je me rappelle pas de. Pardon, non, de chaque mais je plaisante. Je me rappelle que c'est là que je t'ai rencontré, par contre, peut-être par hasard. Oh, c'est la première fois, sans déconner, c'était la première fois. Ça, tu t'avais oublié, ça. Non. Il a vu ses yeux, il non, a paniqué. Non, tu rigoles. Aucun souvenir. Ah, ouais. Non, mais littéralement, cool. Genre zéro. Et qu'est-ce que tu faisais là, toi, par hasard? Mais moi, j'avais été invité à l'avant-première. Le Barquillon, on peut savoir. Voilà, ça devait être une erreur, a priori. Ouais, non, mais c'était pas par toi, je te rappelle. Ok, ok. Non, mais je me souviens pas, ça m'énerve. Et après, j'attendais. Dans un coin, parce que je me suis dit, bah, comme on se parlait sur Twitter, je me suis dit, je vais quand même aller lui dire bonjour. Et en fait, tu m'as vu et t'es venu me voir. Je l'ai. Ah, et tu m'as dit, le mec qu'on écoute jamais dans les films. Ah, tout ouais. Monde. Bien sûr. Voilà. Je l'ai. Ce qui n'était pas l'introduction la plus originale que t'aies connue. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui t'ont abordé en disant, le mec qu'on n'écoute pas dans les films. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, je pensais que c'était le sketch oui. Phare. Si, non, mais oui. Non, mais bon, sûr. Ça reste. Non, mais c'était. J'étais content que tu me fasses référence à un truc. Non, mais j'ai kiffé grave. Mais je pense que et ça m'est revenu, je me rappelle, on était à Opéra. Absolument. Voilà. Oh là là. Champs-Élysées, non, plutôt. Allez. Allez, ce sera ça tout pour moi. T'as tenté un hasard. Non, vraiment pas, on était vraiment à Opéra. J'étais à Opéra dans un, en sous-sol. Vers les Champs-Élysées. Ouais, quoi. Non, dis je oui, te oui. Jure. Non, dis juste oui, en fait. En vrai, je suis pas sûr, mais. Non, c'est impossible. C'est impossible. Ok. Mais peut-être, hein, je dis pas que. Non. Je refuse catégoriquement. C'est Champs-Élysées. Allez, ouais. C'est bon. On commence avec les news du Floodcast, comme à l'accoutumée. Une habitante de Marseille, d'accord, a fait une demande particulière à notre président de la République, Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, est un macaron plein de sucre. Que Marseille, non, mais... Marseille devienne la capitale. Non, pas du tout. Mais il a même pas fini la question. Ouais, non, mais il est tricheur. Ah, mais non, c'est mais inarrêtable. Mais, et en plus, à 100 l'heure, mais sur une, il faut, une petite route nationale. C'est là. Mais pour avoir faux, donc ça n'a aucun intérêt. Non, mais cela dit, c'est ça. C'est en gros, qu'est-ce qu'elle a demandé à Emmanuel Macron, tout simplement, pour elle et son conjoint. Ah. Mmh. Eh oui. Ouais. Excuse-moi, elle est de Marseille. Elle est de Marseille. Ah ouais, j'ai déjà mal écouté ça. Ok. Elle est... c'était la première phrase. C'était aux Champs-Élysées. Ok. Elle est, oui, elle est de Marseille. Est-ce que c'est une crème dégueu, d'ailleurs, je me permets. Enfin. Crainte des gains. Oh tu veux non, dire, ce que je dire. Savais que vous alliez il faire des accents affreux. Il a dit dégueu. Le mec crème dégueu. Crème dégueu. Qui est juste un plat raté, un dessert raté. Bon, c'est fou. Joule. C'est bon, ça gère. Ah, c'est bon, t'as tout bon. Est-ce que c'est une sorte de grâce présidentielle? Pas du tout. C'est un privilège qu'il demande, en tout cas. C'est un privilège qu'elle demande, exactement. Macron démission. Pour elle et son conjoint. Elle ne lui demande pas de démissionner. Exonéré d'impôts. Non. Non, non, c'est un truc un peu plus fou. Alors, c'est pas. Non, je vous dis, et son conjoint, parce que voilà, c'est lié à son conjoint. Est-ce qu'ils lui ont dit, on fait un concours d'anecdotes, et si on gagne, non, vous mettez nous pas en cadre. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est, tu confonds avec le duo McFly et Carlito. Bien, voilà, c'est ça. Mais tu confonds toujours. Alors, c'est un truc en rapport avec son homme. C'est un exactement. Homme. Exactement, il est en couple avec un homme. Elle lui a demandé de le tuer parce qu'il était vraiment oppressant. Non. De pouvoir se marier à plusieurs, pouvoir avoir un couple plus ouvert que ça, quoi. Alors, tuer sur la bonne homme, ce n'est pas ça. Mais non. C'est une histoire de mariage. Ah, d'annuler leur mariage ? Pas d'annuler leur mariage. De les marier. Oui, simplement. Non, rien inventé du tout. La Macron a dit bon, me dérangez pas pour ça. Ouais, ça. Peut-être casse-couille, surtout qu'il est 4h du matin et que vous êtes devant chez moi. Nous, on a des trucs à dire. est-ce qu'il voulait, elle voulait qu'il les marie elle voulait qu'il les marie. Ah, mais bah, non, voilà. Y a un petit truc, un twist. Il a juste répété ce que Macron soit en Élysée. Bon, elle est vraiment rapide, les gars, parce que c'est ça. Bon, je fais pas la voix. Des trucs. Bah, si, ok. Bon, la go. Oh, je suis Macron. Le président conciliant. C'est un yes man. C'est pas dire non. En fait, il dit non deux fois, mais la troisième fois, il est obligé de dire oui. Il peut pas s'en empêcher. Donc, non, c'est bien marié deux personnes. Mais à Marseille. Ah, une personne morte. Le mari est mort. Réponse, le conjoint. On l'a eu en même temps. Je transpire énormément. Moi aussi un peu. Après 10 ans de vie commune et l'organisation d'un mariage, la Marseillaise est toujours marquée par la perte de son homme. Afin de l'aider dans son deuil, elle a fait une rare demande au président de la République. Aide, hein. Se marier à titre posthume. On voulait se marier, surtout lui, dit-elle. Il faut que j'aille au bout. L'histoire continue. Il m'a tellement apporté. Il m'a aidé à surmonter ma maladie et porter le nom de Max et me construire une identité. M'enraciner. Et porter le nom de Max, son conjoint. D'accord. J'imagine. Et c'est me construire une identité. M'enraciner. Je suis la femme de cet homme et c'est un honneur. Alors, pas sûr que ça soit. Il s'est un peu l'aider, plus hein, enraciné qu'elle. Hein, parce, qu'il est dead. Parce qu'il est dead. Il est très dead. Mangez pas les verres. Il est mort, ça y est. Il est mort, ça y est. C'est ce qu'ils ont dit quand ils ont. Oh là là. Avec l'accent sûrement. Il est mort, ça y est. Non. Mais c'est pas du tout. Avec son pied noir. Coupé. C'est catastrophique. Évidemment. T'es un juif ou quoi? Pourquoi personne sait faire l'accent marseillais? Il c'est a le plus rêves. Simple accent et personne ne sait le faire. Toi, tu vas dans le sud en plus. Peu cher. Il est mort, c'est crème dégueu. Ça marche pas. Mais elle a quand même pris un avocat, hein, cette dame, pour aller au bout. Et selon l'avocat de cette dame, la demande a des chances d'aboutir car la veuve remplit toutes les conditions nécessaires. Si le mariage pour épouser un mort. Un mec dead. Que des bancales. Déjà, le fait qu'il y ait des critères pour ça est inquiétant. Quoi. Oui, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment fait passer du temps à établir les critères. Et surtout, moi, je veux dire, le maire dit jusqu'à ce que quoi vous sépare. Parce que normalement, c'est Bah oui, c'est fort. Et bah, excusez-moi. Jusqu'à ce que la mort vous réunisse en fait. Peut-être, Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est la raison. Je peux être poète aussi. Mais ouais. T'es Youssoufa. T'es un poète, tu manies les mots. Laetitia, c'est déjà comment va se dérouler son mariage. En portant les alliances avec une cérémonie de bénédiction devant sa tombe, je porterai une jolie robe et j'irai là où on avait l'habitude de s'enlacer l'été. Au cimetière. Visiblement, c'était dans un cimetière, tout simplement. En France, alors là, c'est pas une question d'actu, dites-vous. C'est un truc que j'ai appris récemment et je me suis dit, alors ça, je vais leur mon salaud, c'est un bon petit jeu pour le Floodcast parce que cette info m'a surprise. En France, il y a un endroit où se croisent l'avenue Hergé, l'avenue René Goscinny et la rue Maurice, donc le dessinateur de Lucky Luke. Bah, à votre avis, alors c'est pas Angoulême, mais à votre avis, quel est l'endroit où se croisent toutes ces rues? Et c'est donc, on cherche la ville? On cherche l'endroit. Ah. C'est pas vraiment une ville. Enfin, si, c'est une ville parce qu'il y a des rues, mais c'est. Voilà. C'est la France miniature. C'est pas la France miniature. C'est pas en France. C'est en France. C'est un. Donc c'est un parc? C'est un parc. C'est à Lyon? C'est pas à Lyon. C'est un parc genre les Buttes Chaumont quoi. Non. Parce que dans les Buttes Chaumont par exemple, il y a des. C'est le parc Astérix tout simplement. Non, mais tu t'approches. Ah, c'est Walt Disney. Disneyland. Très bonne réponse. Oh alors c'est Disneyland Paris. Ouais. Alors ce qui est assez fou parce que du coup c'est que des trucs franco-français. Ah oui, c'est pas du tout Disney. Et alors ouais. En gros moi ce qu'on m'a raconté, alors je sais pas si c'est rumeur ou si c'est vrai, mais en gros le gars tu qui m'a raconté ça, c'est pas. La... Non mais ce que j'ai vérifié c'est que toutes ces rues sont effectivement pile dans Disneyland. Alors que tu y as travaillé. Ben ouais mais je savais pas moi, enfin j'avais pas fait gaffe qu'il y avait l'avenue Goscinny, Hergé. Il y a même la rue Haddock. Et tout autour du parc, il y a la grande avenue qui s'appelle le Grand Fossé. Comme un album d'Astérix qui s'appelle Le Grand Fossé. C'est fou que et qui sépare le parc du reste des villes de Seine-et-Marne, donc Chessy, tout ça, tout ça. C'est étonnant ouais, qu'ils aient eu le droit de prendre un peu les trucs Astérix. Alors, moi, ce que m'a dit la personne. Ils ayant droit de Hergé qui sont fous alliés, quoi. Mais peut-être qu'ils ont pris un autre ad hoc qui n'est pas écrit pareil que le Captain ad hoc et qu'ils ont joué avec ça. Ad hoc Hitler, par exemple. C'est peut-être ça. Ouais, mais elle est la rue Hergé, celle-ci. J'adore. Rue Hergé. Oui, mais Hergé, t'as le droit, c'est une rue de personnalité. Et en gros, ce que la personne m'a dit, donc là, à partir de là, dites-vous que c'est hypothétique. Des informations à prendre au conditionnel. Bien sûr. C'est que la chanson. Évidemment. Mais oui, mais c'est quelle chanson déjà? C'est pas une information. C'est Trio. Une information. Non, c'est pas Trio. Non, c'est pas Mathias Malzieu là. C'est Matmata. Non, parce que Mathias Malzieu, c'est pas du tout. C'est Dioniso, c'est Matt et LACS. Mais c'est pour bien que je vous aime. Oui, c'est Matmata. Mais qu'est-ce qui vous arrive tout ça? Mais Matmata. C'est fou, Matmata revient dans toutes les émissions de ce Floodcast. C'est fou. J'aurais pas parié là-dessus début 2022. Moi, je ne sais absolument pas qui c'est, mais on m'a chanté ça. C'est le groupe des Bretons. C'était la Wash, tout ça. Tu te souviens pas? Ah, non. T'étais trop jeune. Elle lui chouchait la volonté, la langue fait un tour à l'embée. Mais je suis pas persuadé que ce soit eux les paroles qu'on dit l'autre chanson là. Ah, au conditionnel. Ouais, apprendre au conditionnel. L'amour pour moi, c'est au conditionnel. Vas-y, regarde. Je regarde. Ouais, pour toi, c'était qui? Pour moi, il y a une vibes un peu plus. Bah, soit Mickey 3D, soit Sinclair, genre. Et comment tu dis? Non, c'est Matmata. C'est Matmata. Ah la vache. Dans ma vie. Ah la vache. Après, je bosse dans la ZIC, donc. C'est vrai. En plus, tu connais pas le groupe, mais tu savais que c'était eux, quoi. Non, mais parce que j'ai fait une émission Twitch parce que je suis jeune. Un mec qui m'a chanté un truc et il m'a dit c'est Matmata. Du coup, j'ai copié sur lui et je suis venue là. T'es parti? T'es parti pendant que tu nous répondais? Là, je suis je comprends pas. Donc, en gros, le gars qui m'a raconté cette histoire me disait que, en gros, quand Disney est arrivé début 91, ou 89, en tout cas début des années 90, il y avait un. Ils ont dit bon, bah voilà, on va arriver, donc faut redessiner un peu tout le truc avec les plans. Et le maire de Chessy, qui était un peu contre l'arrivée de Disney, parce que faut savoir que c'était des terres agricoles, des machins, ils avaient racheté tous les terrains, hein, tout ça est dans leurs droits. Et il a dit non, c'est à la mairie de choisir les rues. Et qu'apparemment, pour faire un peu chier, il avait mis que des dessinateurs et des auteurs franco-français tout autour de Disney. Et que autour du parc, c'est le Grand Fossé. Et en mode, justement, on est. Évelant. C'est pas évelant dans les dents. Tout s'explique. L'exception culturelle. Mais tout ça est à prendre à la manière de Matmata, au conditionnel. Bien sûr. Ou avec des pincettes. Bien sûr, si à vous la êtes à Omar. Manière de. D'un Omar. Ah oui. Ça a des petites pincettes. C'est vrai. Non, mais si voilà. Il est petit, oui. Sinon, c'est des pinces. Oui, c'est. L'agence Orbital Assembly. Il a dit bit. Non mais d'habitude c'est vous là. Donc, j'ai voulu prendre de l'avance. Tout de suite. Est-ce qu'on a parlé de branlette dès l'entrée de l'émission? Bien sûr que non. L'agence Orbital Assembly a annoncé son grand projet spatial pour 2025 et 2027. À votre avis, lequel est-il? Son grand projet spatial. Des voyages pour ouvert au public. C'est un peu autre chose. Ça aurait été une des pires news jamais entendues parce qu'on est vraiment tous au courant que ça a lieu, ça. Ça a déjà lieu, je crois même. M'agresse pas en fait. Non, non, mais tout simplement. Un peu comme je sens en fait. Ouais, je comprends. Ouais. T'es en train de monter dans une énorme tour. Ouais, ouais, j'étais tout en haut de ma tour là. J'étais tellement bien. T'es déjà arrivé une heure et demie en retard, Pierre. Non, non, mais il le jette sous le bus en pleine émission. Pas du tout, c'est une blague. Mais évidemment que c'est une blague. Il est vraiment phénoménal. Il est vraiment phénoménal. Si vous chantez la chanson, on oublie tout. Il est vraiment. Il est vraiment arrivé une heure et demie en retard. Il est vraiment arrivé une heure et demie en retard. La la la la la la la la. Ça me rappelle des bonnes soirées, ça. Ah bah. Donc la conquête spatiale ne se limite plus aux astronautes, bien sûr. C'est plus large maintenant. Des influenceurs. Non, non, non. Tu as dit des influenceurs pourraient être invités. Mais tu peux envoyer tes cendres en orbite. Non, non, c'est pas ça. Ça existe déjà, je crois. Non, pas ton caca non plus. Je dis que des trucs moi qui existent. Ouais, ouais, je vois, mais du coup, j'ose plus trop t'agresser. Du coup, t'en prie, n'hésite jamais. Ah, ouais, bien faire sûr. Pousser des plantes. Oh, pardon. Hop là, attention. Ma mère a décédé tout de même, donc. Waouh. L'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. D'ailleurs, on peut se marier quand on est mort, apparemment. Oui, donc au final, tu vois, il n'y a plus de limite. Pour une fois que c'est pas moi qui ai fait la gaffe, c'est vrai. Le premier podcast où elle est arrivée, elle a dit ouais, c'est comme avec les parents. Tout le monde a ses parents autour de la table. Je fais ouais, ouais, grave. Ils étaient tous morts, malheureusement. Donc, à quoi... envoyer des boutures de plantes. Non, c'est pas du chiant tout. Comme réponse. Mais non, ouais, non, on cherche. C'est cherche. Ton petit univers un peu bucolique. Mais c'est vrai, on est sous ta frange ou quoi? Si, c'est l'album. Hein. Qu'est-ce qu'ils envoient? Ils envoient des gens quand même. Ils envoient des gens. Ils vont construire quelque chose. C'est tout ah. ça. Des maçons, du coup. Bah non, mais ils vont, des maçons, ils vont construire des résidences secondaires, tout alors, simplement. T'es pas loin, j'ai envie presque de te l'accorder. Un hôtel. Des hôtels. Des hôtels, voilà. Bah des oui, hôtels, oui. On n'est pas loin. On est ensemble, on est ensemble. Jusqu'à 4 pas dans la vraie vie. Je vous donne toujours la piste et après vous êtes ensemble ouais. sur le truc. Ouais, ouais. T'es pas là, quand même à dire. Ça s'appelle une passe décisive, tout simplement. Merci. Oh, mais comme au basket. Je vois 2 euros de basket, c'est pour ça que je me permets de faire la. Tout à fait. Pour les gens peut-être qui savent pas, c'est vrai qu'on joue au basket de temps en temps. Ensemble, Adrien et toi, tout bien à sûr, fait. Bien Adrien sûr. Et moi, bien sûr. Et il est que tous les deux. C'est très chiant. Il est médiocre. Non, j'allais dire que il est plus fort que moi. Il est bon. Non, il non, a... non, non. Si, attendez, si. Arrêtez. Non, non, non, non. Chacun ses qualités, ses défauts. Au basket, j'ai quand même beaucoup plus de défauts que de qualités. Ouais. Toi, t'as un meilleur pourcentage de réussite au shoot. Voilà. Vraiment. Et regarde, là, il peut pas dire le contraire. Non, je suis, j'ai un petit. Encore, heureusement, vu que j'ai 42 ans, que j'ai un shoot quand même, un petit shoot. J'ai pas mal de hargne aussi. Et un boulard, apparemment. Un ego assez wow. surdimensionné, malheureusement. Mais... ce pervers narcissique qui me fait un compliment. Ah, bah, yeah. Et si j'accepte le compliment, je suis... ouais, calme-toi. Bien sûr, je suis Vincent Cassel. Ça, ouais. Bien sûr. Dans mon roi, évidemment. Oui, bien sûr. Excuse-moi, Vincent. Attends. Très il gros fan de l'émission, il écoute, il écoute, ouais, il écoute lourd, lourd, lourd. Okay, okay. Donc oui, ça pourra accueillir jusqu'à 428 personnes. La Pioneer Station, la première en service, pourra accueillir donc la, oui c'est ça, 28 personnes. Et la Voyager Station, excusez-moi, 400 personnes, ce qui fait 428 au total. L'idée de l'entreprise est d'en faire un parc d'affaires spatial avec des bureaux pour accueillir une clientèle d'hommes d'affaires, mais aussi des touristes. À quoi ressemblera l'intérieur de ces deux plateformes circulaires, à votre avis? Bah, je vous le donne en mille. La société. Pardon, il y a un petit peu. Chien qui couine. Ouais. Excusez-moi, il y a mon non, chien moi. Qui couine. Ah, c'était toi, pardon, Pauline. Oh, il a fait un clin d'œil, c'est fou. Le chien est trop stylé. Wow. Didier. Donc, la société veut les c'est concevoir le comme. Oui, bien sûr. D'Alain Chabat. Tu trèfles récente aussi encore. La société. Je l'ai pas jamais vu. C'est vrai? T'as jamais vu Didier? Ouais, wow. Ouais. Eh, mais faut le voir. Ouais, bah, 2 secondes, je suis en train d'enregistrer un putain excuse-moi. De floatcast. C'est vrai, c'est vrai. Que vous m'invitez toutes les semaines, ça va, j'ai autre chose à foutre. Les gens t'adorent. Je me fais harceler. Moi j'ai dit, c'est moi j'ai dit, est-ce que Pyjama peut être là? J'aimerais trop. Et ils m'ont dit, ah bah elle sort son nouvel album, ça tombe parfaitement. Bah voilà. Bah ouais. Et voilà, bah je suis flattée. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, super les hommes. T'es obligé de rester dans un ton agressif, mais c'est hyper sympa. Je comprends que tu restes dans ta posture, mais il y a un moment, il va falloir quand même me donner du. J'ai la haine. Un peu de gentillesse quand même. Allez, on peut jouer s'il vous plaît. Allez, merci. Donc à l'intérieur, la gravité ne sera pas la même partout. L'échelon confortable permettra à la clientèle. Attends, mais tu parles gens... encore de ça parce ben que oui, ça fait des nuits. Il y a les gens que ça intéresse. T'es actionnaire oui, de ce truc. C'est j'y pas possible autrement. J'y crois à fond. L'échelon confortable. Non, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des classes. C'est-à-dire que tu peux arrête. Être déjà première classe dans un hôtel bah oui, dans l'espace. Temps, évidemment. Et des échelons où en vrai tu vas taper la gravité qui déconne un peu et donc pas passer un très bon ah, moment. C'est impossible dans, ça par contre. Si, parce que en gros là, exactement, un peu comme dans Snowpiercer. J'ai des rêves, oui, excusez-moi. Non mais la gravité, tu peux pas influer elle sur la gravité. Elle ne sera pas la même partout. Mais tu peux pas influer sur la gravité. Fais pas chier. Et comment ça, je comprends pas, oui, non, mais c'est impossible. L'échelon confortable. Si, c'est très long. Attends, de quoi on parle? L'échelon confortable permettra à la clientèle de prendre une douche, de manger et de boire assis. Par exemple, super. La gravité sera pas la même à cet endroit-là. Mais c'est faux, c'est impossible. Mais donc t'es quoi, t'es Thomas Pesquet? Mais tu ne peux pas changer ton masque. Enfin merde. Mais bien sûr que si. Mais pas du tout. Mais enlève ton masque, écoute-moi. T'a dit, c'est drôle. Le truc tourne. Ce sont des. L'hôtel est une roue qui tourne comme dans 2001 du C'est de l'espace. Donc ah. vu que le truc tourne, oui. tu as un effet sur la gravité et donc en gros tu restes assis parce qu'en gros le truc tourne sur lui-même et donc ça c'est... marche. Honnêtement, un tissu de mensonge. Mais écoute, je te le dis. Non, mais c'est un avion chute libre le truc. Enfin, ça mais suffit pas du maintenant. Tout. Mais moi, je le prends pas perso. C'est WestFrance.fr. Moi, si tout ça est faux, je m'en fous quelque part. Mais selon WestFrance, non, tu peux. T'as le. Ah, mais c'est encore WestFrance. Non, mais ça suffit maintenant. Mais c'est les seuls qui font pas payer les articles. Ça veut pas dire que tout. Ça veut pas dire que tout est vrai. Mais en tout cas, c'est gratuit. Bon. L'hôtel devrait ressembler à un rêve de science-fiction, a déclaré Tim Alator, le directeur d'exploitation. Le patron qui a une formation en architecture a voulu en faire un lieu confortable et superbe. Ouais, tout simplement. N'importe voilà. quoi, c'est et là, ça va vous parler. Et là, ça va vous parler. Et là, effectivement, Adrien risque de dire bon, c'est n'importe quoi, parce qu'ils ont envie de faire un terrain de basket dans l'hôtel. Là où je comprends moins, c'est le ballon, comment il rebondit. J'ai pas vu qu'il y a un mec qui est en train de dunker. Il dunk à 16 mètres du sol. Bah oui, la gravité. Il vole. Vous avez pas vu le film Space Jam? Bah. Voilà, ça marche très bien. Non, non, non. La vraie gravité, c'est vouloir créer des endroits comme ça. C'est ça, la gravité. Oh, oui. Parce que ce mec a une gourde. Vous l'entendez? Il est écolo. Ben oui, non, mais voilà. Éco-responsable. Non, c'est vrai que ça me fout en l'air de mettre autant d'argent dans des trucs spatiaux. Et puis le côté un rêve de science-fiction, alors que la science-fiction n'est que des films de cauchemar, hein, généralement. Il n'y a pas un film où c'est un rêve, genre, ah, c'était un rêve ce film de science-fiction. Personne ne sort comme ça. Et je ne comprends pas. On sait tous, on dit, ah, la vie sur Terre, c'est vraiment dur, ça, on va dans le mur et tout. Même si t'es pas d'accord avec ça, tu sais qu'il faut déjà mettre plein d'argent pour régler plein de problèmes. Et les mecs, ils font ça quoi, des hôtels où on peut dunker à 16 mètres. Ouais, c'est ça. Bon, j'avoue que sur le dunk, ils ça ont. Ça a l'air super quand même. Qu'est-ce que il c'est il a essayé de rattraper au vol un bout de ma gourde. Un bout de ma gourde, on dirait vraiment une contrepétrie alors que c'en est pas une. Ouais. Le goût de ma gourde oui. Oh, ça en est une. Le ah oui. De... Là, tu as tout. Ah, tu as eu le goût de ma gourde. Ouais, c'est. J'ai... Vous aimez jouer avec les mots tous les deux, j'ai l'impression. Et pas que avec les mots. Mmh, avec un ballon d'assiette. Un ballon d'assiette aussi, oui. Bon enfant. Non, mais c'est. Là, parce que donc, du coup, ce que vous dites, c'est que vous allez dans l'espace, ce serait pas votre délire. Ah non, mais si, bien sûr. Ah. Mais c'est... Alors, non. Moi, j'ai pas du tout envie d'y aller. Ah, mais très intéressant. Franchement, déjà que j'ai envie de gerber dans les Uber, alors là, dans le. Je te jure, j'ai la gerbe de ouf. Toutes les odeurs un peu voiture, là. Mais c'est ça. Et où est-ce que t'as peur un peu du côté inconnu, infini et tout ça? Non, moi, j'ai peur de rien, tu sais. D'accord. Ah, mais c'est toi, t'es un blouson noir. C'est quoi? Ah, je suis vraiment vieux, putain. Ah, blouson noir. Un loubar, quoi. Un loubar. Ah oui. Le mot loubar. Tu m'aurais dit un cuir. Non, mais ah, oui. Là, tu fais exprès pour faire genre. Non, t'es jeune. Mais t'es non, jeune. C'est pas que je suis jeune. Moi aussi, j'ai incroyable. TikTok. C'est quoi cet écartage là? Ça va. J'ose pas te demander ton âge, mais. Non, j'ai 25 ans, je suis pas quoi super une jeune. Une cabine téléphonique, ouais. Quoi? Vous mettez des baskets. Un CD, mes gars. Mais non, mais c'est juste que les blousons noirs, ça pourrait être un nom de vieille canaille, tu vois. Et moi, je. Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est exactement voilà, ça. Ben, dites les mots. Écoute, t'es très soupolé. Je me permets de te le dire. Je suis bourré, je vous ai dit, d'accord. Je suis bourré, j'ai pas dormi. Mais c'est vrai que t'as bu? J'ai bu comme un trou. Non, mais hier soir, ça va. Oui, oui, oui. Non, ah, mais hier soir. Ouais, mais j'ai mal vécu. Genre, ce matin, j'avais un rendez-vous important, j'y suis pas allée, quoi. Pour pouvoir être en forme pour vous. Et tu leur as dit quoi au rendez-vous important? T'as dit une excuse? J'ai dit que j'étais bourré. Elle s'est vomi dessus, littéralement. J'ai dit aux gens. Ah, mais t'es bourré? Mais c'était un rendez-vous de boulot? Une productrice de. Alexa la Rejoubert. D'un truc. De Cinoche. Non, star. Je sais pas si elle me voulait vraiment, mais elle me une productrice de série. Ah. Oh. Bah c'est bien embarqué en tout cas. Si tu te pointes pas au rendez-vous puis tu lui dis non mais juste parce que j'étais trop bourré donc. Et la seule fois où je suis allée à un casting, je suis aussi arrivée en ayant vomi juste avant. Non. Ah ouais. Et j'ai eu le truc. Mais ça ils le savaient pas que t'avais vomi. Cool, si je leur ai dit aussi. Ah ouais. Cool. Nickel, j'en ai aucun casting. J'adore. Non, mais il manque un petit facteur Amy Winehouse qu'elle a eu. Mais j'ai pas assez de relief de. Mais ouais, il faut un peu de naturel et de. C'est les nouvelles histoires d'acteurs. À une époque c'était bah j'accompagnais un pote, j'étais pas du tout acteur. Maintenant c'est bah, j'étais ivre-mort ouais. Et il m'a adoré tout de suite en fait. J'ai planté le gars et j'ai eu le rôle. Après, je vais mourir à 27 ans donc c'est pas. C'est ça. Tu vois, Pierre, pas du tout. C'est pas du tout ton délire toi. Pas du tout. D'aller dans l'espace, ouais. Mais vraiment. Mais t'avais pas grandi avec une espèce de fantasme de bah, l'espace. En fait, que tout. Le cauchemar de tous les films qu'on nous a montré ouais, de Perdu dans l'espace où vraiment t'as pu. Oh, t'as cité le meilleur film de, bien sûr, de science-fiction. Perdu dans l'espace. Perdu dans l'espace bien avec Matt Leblanc. ça y est, je vois ce que c'est Perdu dans l'espace. J'avais absolument pas la ref. Ah oui, bien sûr. J'ai acquiescé alors que. J'ai aucune si, idée si, de si, chef d'œuvre des années 90. Que des. Premier film de Matt Leblanc après, frère. Oui, tout à fait. Avec Charlie Angels 1 et 2 aussi. Mais voilà, c'était le petit moment ciné. Oui, bah, le non, petit parce moment qu'il y a un Matt Leblanc. Autour de la table. On l'adore en plus, voilà, Matt Leblanc. Voilà. Bah, attends, et Matt Mata également. Oui, non, mais tous les Matt, tous les Matt. Matt Houston, on va y aller. Ouais, ouais bien sûr. Matt là. Matt Damon. C'est Matt Houston là, qui a fait un bad buzz un peu, non? Ah bon? J'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il a attends, fait? Attends, c'est lui ou c'est excusez-moi, elle a dit Matt là non, et après. J'ai elle a dit Matt là et après elle a juste mis son front contre le micro et elle a fermé les yeux genre une dizaine de secondes. En signe de regret. J'ai regretté énormément. Et souvent, il y a des petites blagues comme ça et les gens, ils me disent personne n'a entendu ah, ce si, moment si. Dans le podcast. Et en fait, c'est quand même très bien enregistré vu qu'on a chacun oui. un micro. Ah, évidemment. Mais oui, c'est oui. trop long. Mais non, c'est top. Vomis il manquait trois lettres, je pense. C'était CRO de micro. Je peux tout le reste à était tout bon. Moment parce sur que, la table. Par exemple, Tom Cruise, normalement, va bientôt tourner dans l'espace. Oui. Je sais pas si vous avez suivi. Oui, ce mais truc, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. En même temps, il est tellement petit. Mais non. Non, si Tom Cruise le fait. J'ai une très bonne anecdote sur Tom Cruise pour le coup. Ah bah, le fait bah, qu'il est scientologue et qu'il a maltraité des femmes vraiment. Ah bah il la connaissait, il la connaissait. Ah bah putain, ça je pensais pas que. Okay. Il l'avait, putain. Non, ouais, ah bah non, tu me diras où est-ce que tu l'as parce que. Quel est le cinéma c'est... Non, non. Alors déjà, je défends son projet dans l'espace et c'est vraiment le seul parce que les films dans l'espace, enfin, je trouve que déjà, bon, j'adore Interstellar. À part ça, les films dans l'espace, justement, je sais pas. Bon, j'accroche pas des masses. Okay. Mais néanmoins, si Tom Cruise s'y attelle. Toujours pas une contrepétrie. Mais ouais. Si Tom Cruise s'y attelle, c'est que je pense qu'il va faire un truc fou. À chaque fois qu'il entreprend. Non, mais au-delà de la raclure qu'il a l'air d'être humainement, au-delà de ça. Tu sépares l'homme de l'artiste finalement. Allez, c'est parti. Oh, t'as pas dit, c'est un piège, hein, cette émission. Et hein. C'est parti. Je dis juste qu'en tant qu'entertainer, il est quand même incroyable et qu'il propose des expériences de cinéma folles. Je suis allé voir Top Gun 2 et c'est vrai que t'as un truc où c'est pas comme les blockbusters. Je suis un peu vieux con sur ce truc, mais tu sens qu'il n'y a pas des effets spéciaux partout et t'as un spectacle de cinéma. Oui, bien sûr. Quand sa vie de faire ça. Les effets spéciaux quand ils sont bons, tu les sens pas. Non, je suis pas d'accord. Non, je te jure. Bah, dans Marvel, c'est les derniers effets spéciaux à la mode et ton cerveau sait les reconnaître. Et en plus, la génération d'après. Marvel, t'es face à un truc qui est impossible, donc ton cerveau sait que c'est faux. Même sur des trucs. Dans l'espace, franchement, tu regardes. Non, mais de le savoir, de dire là, oui. L'avion, c'est lui qui le pilote. Du coup, quand t'es devant le film, vu que maintenant on est abreuvé d'images, je lâcherai pas le morceau, mon bon Adrien, ouais, je te vois de cligner de la tête. Mais moi je suis pas d'accord. Mais je trouve que quand tu le sais, t'as un truc où t'es à fond dedans quand même. Ouais, il y a un peu de tu le sais, et moi je pense qu'il y a un peu quand même notre œil qui arrive un petit peu à faire la différence inconsciemment, hein, entre du gros fond vert pendant 2 heures et du vrai décor. Et je pense encore plus la génération d'après. Quand tu vois certains effets spéciaux qu'on trouvait ouf à l'époque, qui en plus aujourd'hui font fake. Des trucs vraiment stylés. Matrix 1, tu vois, il y a 2-3 effets qui sont ringos, alors que quand c'était sorti, on était comme des malades. Bien sûr. Je me dis, il y a des trucs qui peuvent mal vieillir, quoi. Mais c'est sûr. Ouais. Je me demande même si les Spider-Man de Sam Raimi vont pas mieux vieillir finalement que ceux qui sont truffés d'effets spéciaux. On dirait des jeux vidéo à la fin. Ouais, je suis d'accord. Avec Tom Holland, on dirait des jeux vidéo. Je déteste Tom Holland. Oui, mais là, je sais pas, genre, il le fouettait avec un chat. C'est drôle. Mais je trouve qu'il dégage rien, c'est genre de l'eau un peu. Tu sais, genre de l'eau. Il est une flaque d'eau, toi. Même en plus, les gens adorent ce que il l'aime. Il est très populaire sur le web. C'est Spider-Man, hein, enfin, sans vouloir. Tu l'as checké. Je l'ai checké mal, mais on oui, s'est checké. C'est un de tes amis. Alors, pas du tout. Monsieur connaît Tom Holland. J'avais pas tant d'empathie pour lui, et quand je l'ai vu sur ce press junket, d'un coup, j'ai été bouleversé de voir à quel point il était épuisé. Ah oui, j'imagine. Mais j'ai vu dans ses yeux, tu vois, il est arrivé avec 15 assistants et tout machin, mais enfin, des gens de genre Warner, François. Non, c'est pas Warner en plus, je dis. Non, c'est Uncharted, donc ça doit être. Je sais plus, je regarderai. Je dirais, bref. Et il avait fait toute la promo de Spider-Man, donc quelques villes et quelques pays, comme on peut imaginer. Et là, il faisait Uncharted où il était coproducteur. Ouais, c'est son gros film. Enfin, son âme avait été aspirée, quoi. Je l'ai vu, mais j'ai eu de la peine S'il en avait une déjà de base. Ah, bah peut-être que c'est ça que tu pointes. Peut-être que, effectivement, mais non, je pense vraiment qu'il était juste épuisé et broyé par le en fait par moi, si son veux, manque je... de charisme. Non mais c'est fou de vouloir le chercher. Prenez un autre acteur, il y en a plein. Alors pour sa défense, franchement, c'est un des seuls qui a postulé pour Spider-Man et qui fait Tom Cruise, on parlait lui-même ses cascades. Qui fait lui-même ses cascades. Pour le coup, moi je le suivais sur Instagram quand il avait fait le film avec je me tourne tout de suite vers le cinéphile, hein. Salut tout le monde. Adrien, il fait ses petits trampolines, tu dois le deviner. Je te le donne en pyramide. Ok. Mais faut deviner quoi? Un film avec Tom Holland. Ah, okay. Désastre. Ouais. Ah, The Impossible. Ouais. Putain, un mot. Il est fort. Hein. Très bon film. Alors moi, je connais même pas le film. Alors moi, regarde-moi. Regarde, comme tu le vois, je connais pas le film. J'ai pas envie de le connaître. Voilà, je m'en bats les couilles. Et Tom Cruise, j'emmerde. J'encule. Et vous avez pas Tom Holland? C'est une flaque. Et vous avez pas le visuel, mais il est accoudé à son canapé. Il en a plus rien à foutre. Il a un putain de cigare. Je suis Renaud. Je suis Lavillier. Il s'est fait percer l'oreille là, juste maintenant. Il a qu'une seule boucle d'oreille, ce mec. Il en a même pas deux. Il saigne sous son casque. Si je veux, je fais du reggae, je vous sens bien. Oh, t'as ri comme elle est là. Exactement. Ah, c'est quand fou, j'écoute les floodcasts, il y a quelqu'un d'autre qui rit comme ça. Bah, Eleanor Coste. Comme ça, en hurlant, c'est un hurlement. Elle est bientôt mère, alors que moi, je suis juste une grosse merde en gueule de bois. Oh, mais arrête! Super! Et de mère à merde, il y a qu'une lettre. Hein. C'est vrai. Ah bon ? Je me permets. Ah oui. Ouais. N'hésite pas, bien sûr, à rentrer. C'est pour ça. Alors attendez, il y a eu beaucoup de virages. Et en plus, j'ai dit j'ai une anecdote sur Tom Cruise. Ouais. Bon, je l'ai pas raconté parce qu'apparemment. Non, non, vas-y. Vas-y. Et sur Tom Holland, quoi, il avait l'air épuisé. Juste pour dire que moi, je fais, alors vraiment à une échelle, mais tellement moindre, des press junkets où on est le matin à 9h dans une chambre d'hôtel et on bouge pas de la chambre jusqu'à 19h et on fait des interviews. Et déjà, quand je sors, j'ai l'impression que je ne vais plus jamais pouvoir avoir des sentiments humains vis-à-vis de cette planète et des gens. Ouais. Okay. Ça explique tes sentiments envers Tom Holland. C'est oui. que lui qui fait que ça. Ah, et... Mais c'est possible. Ouais. Et je te dis, quand je l'ai vu, j'ai vu le gars qui avait fait la même journée que moi. Mais fois 1000 dans 1000 villes différentes avec le décalage et où qu'il aille dans le monde, que des gens qui veulent des selfies. Les gens ne veulent plus que des selfies de toi quoi à ce niveau-là. Ouais. Quand t'es pas avec un cercle des 10 personnes de confiance un peu, c'est que des gens qui veulent des selfies. En plus, et il a commencé coup, très jeune Tom Holland. En fait, fait, il a commencé sa carrière, il faisait Billy Elliot en comédie musicale à Londres. Donc il a dû commencer, il devait avoir 12 piges et il faisait déjà, moi j'étais allé voir Mathilda à Londres et les gosses, c'est fou, enfin tu comprends même pas comment c'est possible, ils chantent, ils dansent, ils font forts. Des saltos arrière. Pour moi, ils sont maltraités. Non, mais... Oui, c'est des petits singes savants. Mais quand même, moi, je, justement, pour finir, je le suivais sur Instagram après Impossible et je le voyais déjà. Moi, j'adore tout ce qui est parcours et tout. C'est mon petit péché mignon. Je suis des gens qui font du parcours. Je regarde ça. Elle fait du parcours. Lille Ourelle. Voilà, j'adore. Championne elle de saute, France. Elle saute tout le temps. Je vois. Ouais, elle saute énormément. Elle adore et sauter. Non, mais elle est elle trop forte. Ouais. Et c'est trop beau. C'est elle qui est la première française d'avoir fait le saut entre les bâtiments, là. Exactement. Non, mais on est. T'es exclu, Florent. Là, par les sinoches, parce que je perds. Yamakasi, c'est le saut légendaire des mecs de Yamakasi. Qui se du vent, évidemment. Elle a refait ce saut. Et c'est la première femme à l'avoir fait. Stylé. Et elle s'appelle Lille Ourelle. Et Ruelle, je sais jamais si on dit Reine ou Ruelle. Moi, je sais même pas. Ah, voilà, pardon. Elle s'appelle Reuil Malmaison. Oubliez Lilou. Ça, c'est le cinquième élément. Ça n'a rien à voir. Lilo Dallas Multipass. Et non, elle a fait ce saut et elle est charmée. Bref, je la suis. Et pour Tom Holland, j'avais aussi une passion parce que je le voyais travailler physiquement, faire des trucs de fou, quoi, des doubles backflips dans son jardin et tout. Donc quand il a eu Spider-Man, j'étais un peu genre, maybe it's a flack. Ouais. Mais at the same time, c'est un peu le bon gars pour le job, quoi. C'est ça. Ouais. Ou peut-être qu'il aurait juste pu être doublure de Spider-Man et prendre un autre acteur. Ça. Et que même son cascadeur aurait été plus charismatique. Et dis donc, Tom Holland, ton famille, c'est un pays ? Non, mais voilà, je rentre un peu dans le fils de François. Le pays, c'est les Pays-Bas, techniquement. Ah. La Hollande, c'est une région. Qu'est-ce que tu peux te gifler ? Insupportable. Un roublard. Un roublard. César, tu peux me pisser dessus. Hein. Franchement. Ouais, alors faut savoir, c'est son seul le grief. C'est-à-dire qu'il déteste qu'on lui manque de respect. Si t'as un César, c'est bon. Si t'as... Là, alors, tu peux y le aller. Mot grief a été pas extrêmement mal. Ah merde, c'était quoi ? J'ai dit quoi ? J'ai dit grief. Dit grief, mais c'est vraiment pas du tout. Pardon ? Il y a un seul grief, rien à voir. C'est pas du tout le mot. T'es déjà un enfant en bas âge. Non, oui, bien sûr, ça va, non, ça va. Je suis perdu. Cette excuse, elle est. Grief, on dort. C'est. Voilà. Oh, Harry Potter. Un Potterhead. Pour nos amis Potterhead. Quand on a des griefs, on dort. Oh là là. Et ton chien, il a des grandes griefs. Ouais. Ouais. Ouais, sans grief aussi dans Street Fighter 2. Ça sent le grief. Oh. Ouais. Hein, la nourriture. Et donc, attendez, peut-être le graillon, c'était ça ou pas? Le grief. Le gruyère. Ouais, mais du coup. Le grillé quoi. Oh, waouh. Un grief. Oui. Ah, ça marche un peu mieux là. On est un peu sur les rails. Une grief de rein qui prend mal. Mal, t'as mis un peu de tristesse. Ouais, mais j'ai dramatisé. Vous grief à sa blague. Non. Oh là là. Oh là là, c'était bien ambitieux, mon ami. Une lettre en commun, à peu près. C'était aux Champs-Elysées, par contre. Ok. Je comprends que tu repartes là-dessus. Ça me paraît nécessaire. Et donc, mais... Tom Cruise, ton anecdote avec Tom Cruise. Non, ouais. Juste Tom Cruise. Après, le monologue sera fini, Pierre. Mais ouais, non, mec, c'est très long. Non, mais c'est très long. Non, plus tard, je la donnerai plus tard. Okay, ah, bah, c'est con, j'avais fait ça tout pour qu'on parle de Tom Cruise. Parce que tu m'as dit avant. Non, allez, let's go. Voilà, juste Tom Cruise. Maintenant ? Vas-y. Allez. Je me suis. J'ai une amie, pas du tout, je me suis en fait, le début de l'anecdote. C'est pas toi. Aucun grief. J'ai un grief. J'ai un grief avec une très bonne amie, donc avec qui j'ai vraiment pas de grief pour le coup, d'accord. Mais qui s'appelle Pomme Clémentieff. Bien sûr, qui joue dans Avengers. Qui joue, qui est devenu histoire magique. Ouais. Je racontais ça à un moment sur Instagram parce qu'il y avait une histoire croisée avec Thomas Pesquet. Bref, cette Pomme Clémentieff que je connais depuis les cours Florent, qui est une très bonne pote, elle est partie à Los Angeles, elle a galéré pendant des années. Un jour, elle m'a dit, je vais rentrer, j'en ai marre. En fait, j'ai fait tous les castings, toutes les soirées, changer d'agent et tout, ça ne marche pas au bout de, je sais plus, ouais, peut-être 4-5 ans à Los Angeles. Et au bout de 5 ans, elle va pour rentrer. Et elle me dit, bon, je vais passer mes derniers castings là-bas, mais j'y crois pas trop. Mais ça s'est vraiment passé comme ça, quoi. Ouais. Et elle m'appelle, elle nous dit à moi et ma meuf, je suis apparemment dans Les Gardiens de la Galaxie, je vais faire Mantis et tout machin. On lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bah, apparemment, un film et tout. On voit Gardiens de la Galaxie, c'est chambé. un an ou deux ans plus tard, je suis Avengers, on est dans les Avengers maintenant et tout, elle était devenue Avengers. Donc success story de malade, on n'en parle pas assez en France de cette parce que maintenant elle fait l'émission Impossible aussi avec et du coup voilà, on y vient. Elle a été engagée pour les deux prochains Missions Impossibles où elle joue une je sais pas comment on dit, une bad woman quoi, un peu genre bad guy, je sais pas comment le traduire. J'ai cru que t'avais dit une bad woman. Une méchante quoi. Une bad woman, son pouvoir est de se transformer en balle. Voilà, une méchante dans Missions Impossibles. Et comme elle adore le karaté, les sauts en parachute, faire de la moto pareil. Du cheval, devinez qui est devenu son meilleur ami. Denis Brognard. Non. Bah, t'as rien suivi. C'est dingue. Et du coup, elle est devenue très pote avec lui. Et elle est venue chez moi l'autre jour, je sais plus ce que j'avais organisé chez moi, mon anniv ou je sais plus quoi. Elle est venue et je lui pose des questions un peu en disant mais alors, il t'a raconté un peu comment il a tourné telle scène ou tel truc et tout. Elle me dit bah attends, bon, on va lui demander parce que là, j'avoue, je sais pas. Et elle commence à texter Tom Cruise devant moi. Et moi, que je suis un fou de ciné, je pense sûr, que voilà, je me retrouve en fait à poser les questions que je veux à Tom Cruise en me disant en même temps c'est relou, donc j'essaie d'y aller tranquille, tu vois. Mais en fait, la soirée avait commencé, c'est ça. Elle avait pris un selfie de nous tous autour de la table parce que Tom lui avait demandé vraiment de manière ultra casual, qu'est-ce que tu fais, ça va en France et tout. Okay. Petit selfie chez moi. Un peu bizarre. Et elle dit un peu bizarre. Non, non, non, non, non, non, ils sont connaissant la ils parlent tous les jours. Qu'est-ce que tu portes en France? C'est plutôt culotte en France. Je sais pas, il fromage, fait chaud. Camembert. Donc t'as pu poser tes questions de... Et du coup on avait fait un selfie et Tom avait dit Tom, hein, je l'appelle apparemment. Ouais, sûr, après, il a dit c'est qui ce gars. Il a dit non, il a dit what a charisma en parlant de moi. Non, c'est faux. Là, on a bifurqué sur un mensonge. Il avait juste dit French friends, French wine, what's better than this. Voilà. Ah, à partir de là, moi j'avais dit tu crois qu'on peut le. Elle me dit mais grave, je vais lui poser des questions. Et voilà, ça part en question. Et FaceTime. Et le gars, non, j'ai pas osé pousser jusque là, mais le gars commence à répondre de manière la plus exhaustive que tu n'aies jamais imaginé. Mais un niveau d'exhaustivité que je n'avais jamais vu ça. C'est-à-dire, on dit juste, ah, mes potes, elle dit, mes potes adorent la scène de baston dans Mission Impossible, le titre. Il y en a plein pour le coup. Mais, attends, de films, la scène de baston avec dans la salle de bain. Ah, bah, avec Henri Cavill. Oui. C'est Fallout. Il avait juste le même dans la tête, il a jamais vu le film. Ah, c'est le seul que j'ai vu. C'est un très bon film. Parce qu'Henri Cavill, je pourrais le sucer, je crois. Oh. Je comprends. Moi, j'ai ça avec The Rock. Ah! Non, mais quitte à sucer un cum vu que je suis hétéro, ouais. The Rock, je trouve qu'il y a une anecdote. D'accord. Et toi, Pauline? Ouais. Sucer qui? Un gars connu. Non, mais Henri Cavill. Paul Dano. Ouais. Ah, c'est vrai? T'as vraiment un type de mec. Excuse-moi, t'as un petit univers, j'ai l'impression. Non, mais lui, je l'aime. Ah, je comprends. Je comprends tellement. Très talentueux. Henri Cavill est vraiment très très beau. Je sais pas qui c'est, moi. Alors, je pense que c'est un mec beau pour plus pour les mecs. J'ai l'impression que. Non mais oui non mais il doit avoir plein de meufs qui l'adorent mais par exemple Brad Pitt, je me casse souvent les dents avec des meufs à leur dire bah toi tu dois kiffer Brad Pitt et en fait il y a peu de meufs qui me disent oui, elles sont plus oui, sur les gars oui. Un peu plus. Bah, c'est Adam Driver qui est un peu voilà, le mec que toutes les meufs adorent. Et il a un truc un peu en lui, un peu dégueu, un peu rock. Il a du chien quoi. Bah, c'est un gros club ça mes yeux. Et voilà et donc on lui a posé des questions et il a répondu un texto mais qui durait mais je sais pas, c'était infini. Il disait for that scene we did that and then with this camera we did that et des trucs où on dirait qu'il est en interview. Il disait I do more research than anyone on the planet to achieve something. Et il parlait à Pomme et qui tourne des films en ce moment, donc il avait pas besoin. Et c'est juste en fait on en a conclu que c'était fou. Mais ouais. C'était juste un passionné de l'au-delà. Il était ouais. Trop content qu'on lui pose des questions et, sur et quel genre également. De caméra et, fou, et également fou. En tout cas vous avez un point commun. Vous avez tous les deux une amie qui s'appelle Pomme. Oh, c'est et vrai. Et, oui, et qui a explosé de connu. C'est pas français ça. Oui, non, oui mais, on voit où tu veux en venir. Qui sont des qui stars. A connu un, qui oui, sont des stars. Des vedettes. Dans la célébrité. Contrairement grimpé, à nous, hein, Pierre. Quoi. C'est pas facile. Dans l'ombre, on a eu dans l'ombre. C'est pas facile pour nous. Pour avec que les nos, autres nos gros clébards. Ouais. Mais ça me dirige vers une autre question. C'est-à-dire que, par exemple, Tom Cruise, c'est quelqu'un qui a tourné avec tous les gros réalisateurs. Et tu sens que maintenant, son kiff, c'est de faire des trucs que personne ne peut faire quoi. Genre il a appris à conduire des avions, il fait ses propres cascades, il saute dans le vide. C'était des effets spéciaux bien sûr. Non, j'ai rien dit. Attends, et juste pour terminer sur le truc. Pardon, excuse-moi. Non, pardon, non c'est moi qui pense que j'ai pas dit en fait tout le truc. C'est qu'il nous envoyait carrément les références des caméras et des optiques. Et après il a dit oh sorry maybe it's too much et tout machin, genre tu sens que c'est un gars, il était seul tout chez lui. Bah, il est zèbre, passionné déjà. De ouf et que c'est un zèbre. C'est un zèbre, il y avait trois femmes dans sa cave séquestrées. Non, je crois pas trois. Molo. Deux grands max, je pense. Il non. Avait mis une gamelle d'eau, donc tu exagères. Une VMC, une gamelle d'eau, t'es dur. Et non, et Pomme m'a dit je suis allé faire un saut en parachute. Après j'ai appelé Pomme, elle le retrouvait je ne sais plus aux États-Unis. Et le gars a 60 ans et il est arrivé en avion en pilotant tout seul dans son avion. Et il est reparti à genre, ils ont fait 12 sauts en parachute. Et le soir à 23h, il dit bon, bah moi j'y vais, je vais à New York, tu veux que je te dépose? Elle dit non, non, moi je reste dans le coin et tout. Il dit ok, il remonte dans son avion et il part en avion. Mais genre, il est dans un. Seul dans l'avion. Seul dans l'avion, tu dis à 60 ans, seul dans l'avion. C'est-à-dire que, Adrien, quand même, il y a du panache. Il y a du panache là-dedans, quand même. Non, mais c'est que c'est sûr. Pas juste le mythe de la star qui dit ouais, ouais, j'adore les avions et qui en fait, non. Mais est-ce c'est que le tu gars as revu ton ami ça, ou pas? Ouais, non, mais tu as revu ton ami. Moi, depuis... je suis plus pote avec Tom Cruise qu'avec un ami. Juste attention à ce qu'elle ne disparaisse pas dans d'étranges conditions. Et donc, là où je voulais aller, c'est que Tom Cruise, c'est quelqu'un qui, du coup, tu sens qu'il a fait des gros trucs dans sa vie et il va toujours plus loin. Est-ce que vous, dans vos carrières respectives, par exemple, Pyjama, dans ta carrière de chanteuse, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser de faire des plus grandes salles? Ou au contraire? Ah, j'ai déjà fait j'ai fait la première partie de Mathieu Chédid. Bah, pas mal. Alors récemment Non, il y a 2 ans. Donc Bercy. C'était des Zénith. Oh, je l'avais. Je l'avais. Je l'aime beaucoup. Je t'aurais serré la main si tu venais pas de tousser dedans sur mon corps. Je pas le Covid, mais c'est vite. C'est donc Zénith. Zénith 3 fois et il y avait 7000 8000 un truc comme ça On compte plus à ce stade. Et en fait ça fait très peu peur. Non, c'est pas un stade, c'est à Bercy, stade de France là, c'est encore plus. Là, vous êtes fort. Vous êtes fort. Et non, et t'as kiffé? Pas tellement en fait. Tu préfères le côté plus petit? Je préfère moi le rapport humain, ouais. Story Insta. Non, mais en fait, il y a tellement de gens que du coup, ça fait un peu foire à la saucisse. Excuse-nous, Mathieu, si tu nous écoutes, mais ouais. Par contre, très sympa le gars. Ah bah oui. Et on oui. se revoit demain chez France Inter d'ailleurs. Et ouais. Oh, chez Auguste Rappenard. Pas du tout, non. Pas du tout. La bande originale. Non, chez. C'est une sombre case à 4h du mat. Chez Frédéric Nanul. Côté club. Ah non, côté club. Frédéric Nanul, c'est un vrai nom. Je l'ai inventé à la seconde. Dommage. J'adore les faux noms. Mais cela dit, Mathieu Chédid, moi je l'avais vu en festival. J'ai déjà raconté d'ailleurs dans un podcast, mais c'est pas grave, où c'était très fort à la saucisse et il n'en pouvait plus. J'étais allé voir au printemps de Bourges et à un moment il avait un truc où il fait bon ok alors maintenant on va juste faire claquer les doigts pour faire la pluie et ça fera comme si c'est la pluie et tout le monde va le faire et ça va être sublime et là vrai, mais... c'est ça bien fait. À poil! Elle à poil! Voilà, oui. Voilà, alors bon, il y a toujours quelqu'un qui veut crier à poil. Allez, maintenant, on le fait. À poil! Bon, allez, c'est bon, stop. Il fait. Bah, comme nous, au Bataclan, quand on a voulu faire notre vidéo là. Ah oui, oui. On voulait faire une vidéo où on disait est-ce que vous êtes chaud ce soir? Et on dit aux gens on va faire ça et vraiment, et vous dites ne rien. Faites le pas silence un silence total pour les réseaux sociaux. Donc, on le fait une fois, les gens applaudissent, donc on fait bah non. Ils osaient pas. L'inverse. Et après, on l'a refait, et il y a quand même des gens, les gens ont hué, donc c'était quand même un peu raté quand même. Et après, on a dit, bon. Allez, stop. C'est-à-dire qu'on a tellement pas de charisme que même sur une scène devant des gens, les gens n'écoutent pas. Personne ne vous obéit. C'est pour ça que j'utilise pas vraiment les bons mots, moi, dans l'émission. Parce que t'as un enfant en bas âge. Très bas âge. Attends, mais t'expliques comment le fait que les gens ne voulaient pas faire le truc ou... Et c'est quoi, ils étaient gênés de laisser un vrai silence ou c'était plus la volonté faire de leur intéressant mais aussi... Moi, je suis plus sur la 2, je crois. Faire son intéressant, y a un faire peu, remarquer. Non, mais il y a aussi un peu. C'était à la fin du truc, il y avait un peu une énergie, genre. Et donc, je pense que. On avait retourné la salle, à notre décharge aussi. Mais je pense que salle. Ton public te ressemble aussi, et donc quand t'es déchaîné de blagues, les gens ont envie de faire des blagues tout le temps. Et je suis sûr que les gens, quand ils vous abordent tous les deux, là, la paire, à mon avis, ils essayent de vous faire rire directement, et c'est hyper gênant. Franchement, non. Non. Bah, ok, bah, je dis faux. Je suis mythomane, en fait. Non, mais. Je suis de la merde. T'es tombé complètement à côté. Non, mais je sais pas. Franchement, c'est pas. Non, mais parce que pousser, moi, c'est ce qui m'arrive. Comme je parle de moi avec non-respect, les gens ne me respectent pas quand ils m'abordent. Tu vois ce truc-là? Non, mais ça, oui, d'accord. Quand tu te moques de ton physique et tout, du coup, les gens, ils arrivent totalement. Et ils font genre, ah, le moche, tu vois. Oui, mais ça, oui, mais. Ou la moche. Moi, je faisais ça avant même que je rigolais mon physique à cause de ça. C'est-à-dire qu'il a fallu trouver une solution. C'était tu dis, il t'a insulté, tu dis, ah oui, c'est parce que je me moque de mon physique. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, horrible. J'ai jamais entendu opinion. Ta voix. Qui es-tu? Pourquoi t'es connu, quoi? Moi, je t'ai juste connu dans une merde immonde. Waouh, c'est ok. Bon, bah écoutez le podcast. Non, mais c'est vrai que plus tu fais de la comédie, par exemple, plus les gens ils se permettent de te taper dans le dos, de te dire attendez, venez, vous allez faire aussi un selfie avec ma belle-sœur, mais venez, elle est là-haut. Et les gens ils osent te faire ça. Là où Vincent Lindon, je pense qu'on lui tape un poil moins dans le dos. Un poil moins. Après, il fait de la comédie. Il est très bon en comédie aussi. C'est vrai. Dans La Crise, il est exceptionnel. Crise, il est très et dans Paparazzi, dans très une bon époque film. Formidable. Non, je crois que c'est Richard Boranger. Bon, les cinéphiles, c'est bon. Moi, il y a un mec qui m'a porté. Tu devais être trop mal à l'aise. T'as confondu avec Abra à Courcix. Non, mais c'était à. Putain, c'est le festival de Dinard, festival de la comédie de Dinard. Ah bah, et j'étais. Ouais. Donc, tout le monde est ivre mort déjà. Ça, mais... non, c'est ça, le mec était un énorme beauf en plus. Et j'étais en train de parler avec Jules Fou. Allez. Et il y a un mec qui arrive et il fait. Oh putain, machin. Hein. Bah, c'était le diable de Tasmanie déjà. Et ouais, non, mais je sais même plus ce qu'il dit. Et il dit. Je sais plus comment il en arrive à dire à Jules Fou. Eh, tu veux que je le soulève voilà. En parlant de moi. Et je fais non. Et le mec, il a commencé à me. Je sais pas comment on est venu à ça, mais non. C'était intéressant. Oui, oui. C'est Tom Cruise, je crois. Non, mais il était survolté le mec. Et puis rugbyman, je pense. Ah bah il me semble qu'il était rugbyman. Tout à fait mon style. Ouais, bah ouais. Et il a commencé à me soulever et je lui ai dit non, mais non, tu me reposes quoi. Et il a fait ouais, c'est bon, je rigole. Et rigole. Je l'ai haï. Voilà. Oh, ça, tu m'écoutes. Tellement. Je te déteste. Mais c'est vraiment la seule tellement. Fois, sinon les gens sont vraiment. Mais les gens ne nous soulèvent pas, non, en général. Non, non. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à. Moi, très souvent, on rentre dans la loge des trucs comme ça, genre on s'assoit sur ton canapé. Et c'est très gênant en fait, parce que du coup, il faut dire vous pouvez sortir s'il vous plaît. Et les gens sont là, genre ouh, Maria Carré. Je te connais pas, juste en va toi, je suis en train de changer mon pantalon. Toi, Pierre, t'aurais ce truc des fois de te dire ah ouais, aller plus lourd. Enfin, tu vois, par exemple, une carrière américaine ou des trucs comme ça, c'est des trucs. Bah, évidemment, enfin, je pense que quand on aime le ciné, Cinoche, on pense forcément au talent qu'il y a aux États-Unis, parce que voilà, la taille de l'industrie fait rêver et tout là-bas. Mais ceci dit, j'en suis beaucoup, beaucoup revenu déjà de ce pays. Ouais. J'étais très fou des États-Unis quand j'étais ado, avec le basket, la NBA, et tout le machin. McDonald's. Le McDonald's, là où ils faisaient les hamburgers et tout. je parle de ça. Hey, les milléniaux, je vous connaissais pas. Ah bah à l'époque au McDo, là, déjà, elle est paumée. Les quoi ouais, avec vos tweets, là, vos TikTok. Non, mais en fait, je suis revenu un peu de ce truc-là, et puis aussi parce que je suis allé aux États-Unis et que j'ai compris que je repartais même pas à zéro. Je repartais à moins 15 si tu veux. Là-bas, ils ont des Paul Dano, comme tu disais, des Andrew Garfield et un milliard d'autres gars qu'on connaît pas qui Garfield sont archi talentueux. Garfield, la BD aussi. Et ils ont la BD Garfield. Ça, une fois que j'en ai le cœur net, j'ai dit c'est bon, moi je peux rentrer à Paris. J'ai dit vous me mettez tous les tomes sur la table là. Bon bah vous les avez tous. Yes, where are you? J'ai dit ok, bon bah moi je peux m'envoler. C'est bon. Juste pour m'acheter tous les Garfield. Le retour et c'est bon, ils ont Andrew Garfield et les Garfield. Bah ma présence ici n'est plus justifiée. Non, mais en fait, j'ai un peu couru les castings là-bas. Deux, trois fois quand j'y suis allé, et c'était vraiment la grosse désillusion de se dire, bon, tout le monde s'en fout. Ouais. J'y suis allé au lendemain de mon César, donc je me sentais auréolé d'un succès complètement dingue, je touchais plus terre. J'arrive à Air France, j'étais avec mon pote Igor Gottesman qui est réalisateur. On devait aller le lendemain des Césars, il se trouve que depuis longtemps on avait booké des tickets pour aller écrire à Los Angeles un projet qu'on avait ensemble. Et du coup on est parti et Air France était là. Ils avaient vu, c'était à l'époque où les gens regardaient encore les Césars. ils avaient vu la cérémonie à Air France, ils ont dit on va vous surclasser monsieur Ninet, bravo pour hier soir et tout. Et j'arrive dans cette vibes moi aux États-Unis tu vois, et direct dès que j'atterris mes agents me disent on a une soirée pré-Oscar ce soir, viens on va te présenter à des gens et tout, et ils me présentent à Christopher Nolan tout simplement. Ah oui, bah, mais il y avait mal. Plein de gens à cette soirée et Christopher Nolan me, je sais pas si vous connaissez ça, il me tend la main sans me regarder. Il continuait sa conversation avec quelqu'un d'autre qui était vraiment important a priori, cette personne. Il m'a tendu une main en latéral. Il me l'a serré comme ça. Bon, mais je lui en ai pas trop voulu parce que mon agent avait fait un peu de forcing dans ce groupe pour me présenter et tout. Bon. Et ainsi de suite, et que ça en fait, que des gens qui s'en foutent, et il disait "He just won the National Award like the Oscar but for France" et tout, et les gens étaient là, "Yeah, oh great, amazing." C'est genre des messageries préenregistrées de amazing quoi, d'américains. Mais c'est relève ne bouge pas. Hein. Ouais. Mais vous êtes du carton. Depuis le début. Cette soirée est dans le carton. Et du coup, à partir de là, en plus, les general, ce qu'ils appellent general meetings là-bas, c'est genre tu vas à des rendez-vous, mais il n'y a pas de projet très concret, c'est juste un general meeting. Et tu te fais entre, oui, c'est assez sympa, tu te fais entre 1 heure et 4 heures de voiture à peu près à travers les embouteillages de Los Angeles pour aller à un rendez-vous. La meuf te dit, great, great, I haven't seen a movie, but people told me you're great. Okay, if I think of anything et tout machin, genre, et en gros, ils disent, on pensera à toi peut-être si un jour, bon, ça sert à rien. Donc les États-Unis, j'en suis revenu. Par contre, depuis quelques temps, et là j'ai le dos bloqué, donc on dirait vraiment pas que c'est la bonne période. Pour moi, tout à l'heure dans ma voiture, je me suis dit, quel moment t'as cru que ce truc était possible? Depuis quelques temps, j'ai très envie de. J'ai toujours été fasciné par les cascadeurs, moi. J'ai écrit un film à propos d'une famille, parce que c'est souvent des gens aussi de père en fils qui se refilent la passion et la tradition. Et j'adorerais faire un truc sur les cascadeurs. J'adore les cascades. Moi et ma sœur, on a fait beaucoup de gym et on aurait rêvé d'être cascadeurs aussi tous les deux. Et du coup. Je me suis dit récemment, j'aimerais bien faire au moins une fois avant que j'ai 40 piges, un film où qui est pas si après c'est un pied dans la tombe après quand bah après oui je sais pas comment tu vois ça mais avec une philosophie dingue, je te vois rire, je te vois je te vois t'épanouir bêtement parce que t'es déjà à moitié parti pour moi et non, mais c'est ça. Ah c'est magnifique hein. Les gens ils sont touchés. Je m'accroche. Ah mais c'est trop beau. Je te jure c'est trop beau. Trintignant et toi vous me touchez. Il y a cette personne même vibes. Te respecte, Adrien. Non, fait non, bon, bref. Chose. Et du coup, récemment, j'ai un peu lancé, commencé à lancer des partenaires un peu en disant est-ce qu'on n'imaginerait pas un film où on m'autoriserait pour une fois, parce qu'en fait, c'est un problème d'assurance, à faire mes cascades et à faire un truc vraiment physique, façon Bébel dans L'Homme de Rio ou des trucs comme ça. Quoi. Mais j'en parlais justement avec Alban Lenoir, qui lui est un peu dans ce truc-là, il kiffe faire des cascades et tout. Lui, justement, quand on parlait de Tom Cruise, il dit en fait, ce qui est relou, c'est que Tom Cruise, il a sa propre compagnie d'assurance. Et c'est comme ça qu'il arrive à faire ce qu'il veut, où il fait, mais Tom, tu vas conduire un avion? Oui, mais c'est ma compagnie d'assurance. Ah, bah, du coup, c'est bon, t'as le droit. C'est okay, bon, demandé, okay. Mais c'est vraiment, il est allé jusque-là pour pouvoir être tranquille, quoi. On parlait de rêve. Eh bien, un Japonais a un rêve. Il a dépensé plus de 12 000 livres pour réaliser ce rêve. Mais à votre avis, quel est ce rêve? Oh, les transitions. Là, aller dans l'espace. Non, ce serait vraiment décevant. Non, c'est un rêve un peu plus fou. On peut plus fou que d'aller dans l'espace. Plus fou. D'être voir, j'ai un jugement sur ce, sur ce rêve. Ah, voilà, il veut se faire congeler pour vivre. Non. Putain, mais c'est ce que, ce que j'ai. Putain, mais vous êtes connecté. C'est un Japonais. C'est un Japonais. Et il a dépensé 12 000 livres. Oui. Oui, bah c'est quoi? C'est worldwide, cette information. Il vit à Londres Non, écoute. Non, je crois qu'apparemment le site est anglais, donc je pense que j'ai fait la traduction. Okay. D'accord. Juste si tu peux nous faire 2 millions d'yens, soit 14 693 euros. C'est Adrien qui a fait 14 000. Hein, c'est moi qui ai fait ce bruit. Ah, c'est vrai oui, ah, oui, bah oui. Et j'ai regardé le chien j'ai montré le chien qui était mignon. Et... J'ai que des voix bizarres pour les il chiens. Est triste alors, à crever pendant le pauvre. Bah, il a vraiment la tête de Bakri, quoi. C'est vrai. Dans, oui. Alors, je vois très bien. Ouais. Dans la boîte, dans le goût des autres. Oui. Oh, ce film. Ouais. D'ailleurs, faudra raconter la fameuse anecdote. De ton tweet. Ah, bien sûr, on avait bien rigolé là-dessus. Bah, peut-être. Faisons maintenant. Ouais, bah, ouais. Bah, ouais. Je sais plus. Vas-y, parce que je sais plus comment ça s'est agencé. Bah, en gros, c'est que tu t'avais. À la mort de Bakri, t'avais fait un tweet hommage à Bakri. Et t'avais dit. Mais tu t'en parlais au présent, en fait. Tu disais le plus grand des acteurs français, un truc comme ça. T'avais fait un tweet en hommage à Bakri. Avec une image de Bakri, les larmes aux yeux, dans le goût des autres. Quand il voit la pièce de théâtre et qu'il est ému aux larmes et qu'il y a une scène qui me bouleverse. Ouais. Et du coup, t'en parles au présent. Et il y a un tweet en réponse et le mec, il dit « Susboule !» Ce qui est la meilleure réponse. Extraordinaire. C'est-à-dire que ni une ni deux, je l'ai envoyé à Adrien en me disant ça peut l'amuser, je pense. C'est vraiment incroyable. Et c'est resté du coup. Susboule Vraiment, tu ne peux que l'imaginer crier du fond d'une pièce, quoi. Je t'imagine au César faire ce discours, tu vois. Il était pour nous tout, il était l'artiste et il restera avec nous. Susboule Le gars est mort littéralement 12 heures. Son corps est encore chaud. Le gars me dit Susboule. Alors je fais un hommage au gars. Ouais. Alors, et le mec. Mais en plus, en fait, le truc, c'est que tu l'avais rédigé de façon à ce qu'on. Si tu sais pas qu'il est mort, ce qui était peut-être le cas de ce gars, tu vois, il y avait un truc où. Peut-être, je sais pas, c'est peut-être. Ça. Moi, je n'y avais même pas pensé que lui ne pouvait ne pas avoir l'info. C'est ça. Ouais, moi, au fond de mon cœur, j'espère qu'il savait. Et qu'il y a c'est trop dommage. Tu fais Susboule d'un mort, ce qui est encore plus. Susboule d'un mort. Mais sinon, bon. C'est ça le titre de l'épisode. Susboule d'un mort. S'il le savait. Juste que je prenne des notes. Bah, c'est la meuf du début, là. Oui, voilà. La Marseillaise. C'est exactement ça. Donc, le Japonais a dépensé. Mais oui. Voilà, 2 millions. Beaucoup d'argent, quoi. Voilà, 2 millions d'yens, 14 693 euros, ou, bien sûr, 80. Attends, 14 693 euros. Ok, bon, 15 000 euros en gros. Oh, non, mais après, t'as rendu où tu veux. Hein. Ah, bah après, il a pas tenu ses comptes. Et c'est un projet fou. C'est un projet un peu fou. Mais fou ou nul? Moi, je trouve ça nul, mais c'est. Okay. Mais après, c'est très personnel. Il veut être incrusté dans son film préféré. Non. Non, alors quand j'ai dit fou, c'est pas genre Pierre avec... a adoré ma réponse. Bah, okay, en fait, j'ai l'envie de lancer une boîte qui fait ça, en fait, tout simplement. Bah, ouais. C'est absolument attends, génial. Attends, parce que là, t'as ton projet cascade. Ouais, ouais, ça Molo. Fait beaucoup. Mais en plus, c'est l'équivalent, c'est la version 2.0 des photomatons où tu peux être en photo à côté de Sonic. En fait, c'est juste le. Mais ça a cartonné pendant des années. Non, mais ça n'a rien à voir. Il y a une appli aussi en vidéo, quoi. Il y a une duplicate aussi l'appli. Oh là là, mais il est féru d'appli. J'adore les apps. Mais il les a toutes. Non, il y a une. Je l'ai pas. J'ai montré. J'ai touché mon téléphone, mais j'ai pas. Non, c'est duplicate. Max Boublil 4. Max Boublil, oui. Le chat de Max Boublil. Oui, voilà, ah, d'accord, c'est ça l'appli. Et bah, non, juste, il est super mignon. Quoi. T'as rien à voir avec l'appli pendant le Il est adorable son chat. Très joli chat. Ouais. Je vais pas au bout de l'appli. Hein, du coup. Est-ce qu'il a commandé un accessoire pour sa voiture? Non, c'est très précis. On est allé très vite dans des questions très. Mais non, mais parce que quand j'ai dit fou, c'est pas genre fou, genre oh, il voulait aller dans l'espace, tout ça, c'est fou. Non, n'importe quoi. Un peu de la folie. Ah, okay. Selon moi. Est-ce qu'il a dû acheter ça à quelqu'un, une entreprise? Une entreprise, tout à fait. Une entreprise qui se spécialise dans ça ou non, elle fait plein de choses? Pas du tout. Elle fait. Elle fait de l'événementiel en fait. Pour lui fabriquer un truc. J'ai pas toutes les infos sur l'entreprise. Pour lui fabriquer un truc. Fabriquer un truc. Une poupée gonflable? Non, pas une poupée gonflable. Est-ce que c'est pas sexuel, je vous le dis. Enfin, moi ça m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a un lien avec la mort? Aucun lien avec la mort. Alors moi c'est le cul, toi c'est la mort. Ouais. Super ouais, le bon binôme. Les grosses têtes. Ouais, bah, je me dirige vers ce que je connais mieux. Non non, c'est un truc de, c'est un truc. Il a acheté ce truc. Un véhicule? Ouais. Non, pas un véhicule. Copieur. Ouais. Ah, tu l'as dit? Je parlais de voiture il y a 5 minutes après. Ouais. Après, j'ai l'air. C'est moule. Ah, Pierre m'a refilé le Covid. Ah, yes, allez, ça va très vite. Hein. Ça va très vite ce Covid là. Ah, c'est terrible. Non, non, c'était son rêve depuis longtemps. Il a partagé sa joie sur les réseaux sociaux. Ça a fait le buzz. Il s'est refait la gueule. Non, mais tu t'approches. Ah, est-ce que. Ah, enfin, il s'est acheté un pénis. Ah non, pas de sexe. L'armure d'Iron Man. Non, alors c'est mais pas. C'est un truc tiré d'un film? Non. C'est un rapport avec son corps. C'est un costume. Voilà, non, mais je donne. Il s'est fait faire un costume entièrement en. Iron Man. Non, c'est un costume de quelque chose. Mais de pop culture. Pas pop culture. Ah. Il s'est fait un costume. Ah, un costume sur mesure qui coûte super cher. Alors il y a de ça. 15 000 euros. Que ça. Mais est-ce que c'est dans. Oh, il revient de Cannes, Pierre. Je reviens de Cannes, j'ai plus aucun sens des prix. C'est bien ça, un costume 15 000 euros pour moi, c'est donné. C'est HM ça, non? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un truc dans un but esthétique ou ça. Ça fait un effet particulier ce un peu costume, fantaisiste. Genre un costume pour sauter haut par exemple. Non, pas du tout. Non. C'est juste répondre à ta question. Mais. Ouais, non, je sais pas. Je suis perdu. Je suis perdu aussi. Donnez-moi de l'eau. Non, mais c'est juste. Non. C'est un beau costume. Non, ou c'est alors, pas un beau est-ce costume. Est-ce qu'il a une fonction en plus ce costume-là? Il vole. Non, il vole pas. Il a pas de fonction en plus. Ok, c'est juste. C'est avec des diamants. Non, c'est un déguisement. Je vous le dis. C'est un costume en bois. Très réaliste. C'est un costume d'animal. Oui, on s'approche. Avec de la vraie peau d'animal. Alors. Je sais pas si. Pas forcément, mais en tout cas, c'est un costume d'ours, mais très bien fait. On s'approche. De lion. Non, pas de lion, pas de singe. Attends, un animal. Ours. Non, on l'a déjà un dit. Animal, un peu stylé. Moi, je trouve ça stylé, mais. Grizzly. Pas forcément. J'ai dit ours. Vous êtes dans la forêt. Je lâche les ours, a priori. Ours polaire ou suce-boule? Suce-boule d'ours. Suce-ours. Très bon titre. Suce-boule d'ours. Écartez-vous un peu du monde de la forêt. Peut-être aussi, c'est de. Un animal marin? Un aigle. Pas marin, pas un oiseau. Une baleine. Pas un chien. Ouais. Très bonne réponse. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Non. Si, je l'ai dit. Bah, tu réécouteras entendu. Vu que tout est enregistré. C'est désolé, vrai. Mon gars, gros loser. Moi, je t'ai dit que j'aime pas la compétition. C'est un truc photoréaliste de chien. Attends, excuse-moi. C'est le costume qu'on voit là. C'est le costume. Oui, mais oui. Je vais vous montrer. Si tu regardes la tête, c'est. Attends, ça me donne des frissons de gêne. Ah, mais quand tu m'as dit, c'est pas sexuel. Ok, c'est fou. On dirait un film de Wes Anderson, mais encore plus badant. Oui, la taille réelle. Bah, c'est la Uncanny Valley là. Bah, il y a un peu de ça. Il est bien ce film. Regardez. Non. Après, c'est. L'île aux chiens. Tu parles de l'île aux chiens là ou pas? Donc voilà, ici. Je parle du concept de la Uncanny Valley. Ah, ça, je sais pas ce que c'est. Alors, expliquons vite fait. En gros, c'est. En gros, c'est quand on fait une œuvre ou un objet qui a vocation à être photoréaliste. En fait, soit t'es dans une zone où clairement c'est pas assez photoréaliste pour qu'il y ait un malaise, mais il y a un truc qui s'appelle la Uncanny Valley, où en gros t'es très proche du photoréalisme, mais en fait t'y es pas tout à fait. Et du coup, il y a une espèce de gros malaise qui se dégage du truc parce que c'est presque identique à un humain. mais en même temps tu sens que ça comme les premiers films là, par exemple les premiers films de Robert Zemeckis en 3D par exemple le Pôle Express tout ça, il y avait là une Uncanny Valley, c'est-à-dire que ça ressemble à des humains mais les yeux sont un peu voilà, chelous et du coup il y a là, un côté là en l'occurrence c'est la Uncanny Valley. Ouais, je sentais un truc canin, ça ouais, sera tout bon. Il n'a rien écouté de l'explication. Alors c'est pas totalement vrai. Je sentais que tu étais dans le doigt comme ça genre que parce que ça je me dis si ça s'éloigne trop, tu connais la vanne. Ouais, si tu l'as et qu'après il y en a un qui prend la parole, quelqu'un d'autre, et c'est dommage. C'est fini. Non, non, en vrai, j'ai compris, mais du coup, quand tu dis photoréaliste, ce que tu veux dire, c'est genre juste. Oui, réaliste, sensation de réel. Oh, quoi. Non, mais c'est voiture d'armure. Si tu veux faire une statue, c'est génial. Génialement badant. Donc il est dans le chien. En vrai, c'est bien. Mais tu vois quand même que c'est pas si réaliste que ça. Il est dans le chien. Non, mais ça dépend de la définition. La filmer comme ça et sur un mode. Pardon, mais personne il s'est allongé et c'est extraordinaire. Il est tombé en fait. Et puis le chien peut ouvrir la bouche, hein, vous voyez, mais putain, il ne peut pas fermer les yeux. Je ne comprends pas et ça me fait un peu peur. Il essaie de coucher avec des chiens. Bah, c'est pour ça que quand tu as dit c'est sexuel, normalement non, mais ça peut le devenir très vite. Ça l'est à 100%. Il s'est branlé le soir même dans son costume de chien. Il y a une petite. C'est sûr. Enfin, il a fait genre. Il a marché, il s'est mis dans un panier, il a fait ok. Allez, je me branle. Ok, bah je branle. C'était 9 secondes après livraison. C'est comme quand t'achètes un casque de VR, quoi. Tu fais ah, c'est marrant les jeux. Bon, allez, j'essaye le porno tout de suite. Bien sûr, évidemment. Ah ouais, je vois pas du tout totalement, moi, ça. Ouais, ça va. Dès que c'est pas du vrai cul, toi, ça t'intéresse plus, quoi. Moi, déjà, je suis putain de vierge, ok. Obsédé sexuel. Et marié. C'est vrai. Non, avant, au c'est pas ça que je voulais dire. Donc, pour la société s'appelle Zepet, si vous voulez vous faire un petit chien. Adrien a l'air intéressé. Il a envie de se branler dans le Zepet, apparemment. Non. L'homme, donc une petite interview du mec quand même. Si c'était moins cher, peut-être je craquerais, quoi. Ouais, 15 000 balles quand même, hein, le costume. Non, mais rien, juste pour une story, quoi. Et la story, elle est flippante. Ça me fait peur, moi, ce truc-là, non? Non, mais tu vois, tu fais une story où tu t'enregistres, tu fais. Tu vois le chien qui arrive et après t'enlèves le masque, tu fais c'était moi en fait. Voilà, ça sera ça. Il a le buzz là. Un génie des réseaux pour moi. Casenestat, il a craqué le code. Putain, tu vas encore nous casser internet toi. Aïe. Le allez, de la situation je lance un Kickstarter. Et là... 14 000 balles et je m'achète. Mais à l'identique de mon chien par contre. Oh, mais en grand du coup, ça plus bizarre. En grand, mais ouais. Du coup de loin tu fais ah, c'est elle. Puis plus je me rapproche, tu fais bah attends, elle est pas si grosse que ça. Bah non, c'était moi dedans. Oh la vache. Génial. Le petit air satisfait moi quand il enlève chien. La tête de chien. Elle me débecte et en même temps j'aimerais la voir en boucle. Donc. La société, le mec. Désolé, je vous ai encore eu. Et en fait, tous les jours, j'en peux plus. Et des fois, je mets des vraies stories de mon chien, donc tu fais ah ok, bon c'est bon, il est passé à autre chose. En plus, que tu mettes des vraies stories de son chien, ça serait nouveau, ça. Ah, ouais. Sur des petits canapés, par exemple. Oh oui, là, ça. Les gens aiment bien, pardon. Puis les gens adorent. J'ai peu de divertissement dans ma vie. Je vous fais l'interview quand même du gars. Désespérément seul. Vas-y, je poursuis. J'aime les animaux à quatre pattes, particulièrement ceux qui sont mignons. Parmi eux, je me suis dit qu'un animal dont la taille est proche de la mienne était la meilleure solution pour que le rendu final soit réaliste. Pour l'enculer, tout simplement. C'est vrai, c'est ce qu'il a fait. J'ai donc décidé de devenir un chien. Il a partagé sa joie sur les réseaux. Je sentais que c'était du gaspillage de profiter seul de mon costume. J'ai donc décidé de partager ma satisfaction en postant des vidéos. Il aura fallu 40 jours à la société Zepet pour terminer le costume ultra réaliste. Donc là c'est la société qui parle. Nous avons utilisé des photos de colis prises sous différents angles. Nous avons amélioré le duvet de la fourrure pour cacher un maximum la carapace du costume. Nous avons fait en sorte que la bouche s'ouvre et se ferme toute seule. Actuellement, les principaux clients de nos sociétés sont des sociétés de cinéma et de publicité. Les commandes individuelles représentent environ 10% de nos ventes. Voilà. Mais quand même. Un petit bas, c'est pas mal, c'est pas mal. Seth Green, est-ce que vous voyez qui c'est? Qui? C'est Seth Green, c'est un acteur. C'est un acteur qui a un peu disparu. Qui a un peu disparu, c'était le bassiste dans Buffy contre les vampires et c'était le fils de, du docteur d'enfer. Mais dans c'était le mec Hospital. De Willow, non? Je sais plus de qui c'était le mec. Si, c'est ça. C'est le mec qui joue dans Entourage après, non? Peut-être. Ah bah peut-être. Ça, je vois plus parce que les autres rêves, j'ai pas encore. Tout ça pour vous dire que ce monsieur devait faire un dessin animé. Parce que derrière, il a eu toute une carrière, par exemple Robot Chicken. Je sais pas s'il y a des gens qui bien connaissent sûr, ça dans les auditeurs. Sur, Adult Swim. Adult Swim, exactement. Il devait faire un dessin animé. Et au final, il ne pourra pas le faire. Ce film ne sera jamais. Et je vous demande la raison qui est toute bête. Voilà. Et qui est un peu dans pas, l'actu. Pas assez d'argent. Pas un truc qui est à l'argent. Est-ce que c'est. C'est lui, je sais. C'est lui, mais c'est un au bataillon pour ouais. moi. Ouais. Est-ce que c'est lié à la mort de quelqu'un? Désolé, je parle que de la non, mort. Non, non, mais... non, c'est pas la mort de quelqu'un. Est-ce que c'est lié au cul de quelqu'un? Non, c'est pas lié au cul de quelqu'un. Du coup, je vais pouvoir trouver la réponse. Enfin, on a fini avec la deux névroses. Non, est-ce que c'est lié à une question de droit, un truc où entre temps il y a un truc. Alors il y a une question de droit, mais c'est pas un truc qui est sorti. C'est pas le personnage. Il était. Excuse-moi. Les femmes peuvent s'exprimer un moment. Merci. Ah, ça va. Est-ce que c'est parce que le personnage était problématique? Non, pas du tout. C'est tout de suite. Ouais, c'est bon. C'était PPDA. Ouais, c'est bon. C'est un dessin animé sur PPDA. C'est le pire projet. Vraiment le pas de bol, quoi. Il a dit bah, je voudrais faire un truc sur un français, je sais pas qui. Bah, voilà. Victor Hugo, bah, non, trop obvious. PPDA peut-être. Est-ce que c'est. Bombatex, Alortex. Est-ce que c'est. Darmanin. Oh, bim, le goût. Je dénoncerai Darmanin jusqu'à chaque. Désormais. T'as juste dit son nom après, donc je sais pas ce que t'en penses. Oui, enfin, quand t'as écouté le reste de la conversation, ça. Rien à foutre, moi je joue à Candy Crush. Toi, t'es en train de te gratter le bras. Il a quand même dit je dénoncerai. L'héroïne. Je dénoncerai Darmanin. Avec son t-shirt du Tché, là, regardez. Il a regardé. Non, mais j'ai regardé, genre, moi, on dirait pas du tout un t-shirt du Tché. Tu prends des gros risques quand même en dénonçant Darmanin, parce que personne ne l'a fait encore. Après, c'était ça la blague, c'était du second degré, mais bon. Apparemment, si on parle pas de cul, tu comprends rien. Lilon, c'est rock'n'roll ici. C'était bien envoyé. Le film de Guillaume Canet. Et donc Seth Green devait faire donc du coup un dessin animé. Donc ce n'est Est-ce pas PPDA. Est-ce qu'il est en prison? Pas en... Non, alors c'est vraiment lié au côté animation. C'est vraiment au côté animation. La boîte à faire. Non. Non, le héros était quelque chose et ça ne peut plus être ça. Donc vous étiez pas si. Enfin. Si, vous étiez extrêmement loin. C'est politiquement incorrect ? Non, c'est pas lié à ça. Non, c'est pas lié à ça. Ah, c'est un animal en voie de disparition ? Non, bon, après, c'était un animal. Comme tous. Bah non, mais l'animal est en voie de disparition, donc on peut plus faire un dessin animé. Genre. Bah moque-toi de moi. En public. Non, mais bah non, c'est non. Très peu écouté le flot de casserole. Bon, surtout que en vrai, tu donnes un vrai indice car c'est un animal et c'est capital pour trouver la réponse. Ok. C'est un animal. Tu as fait une passe décisive. Bah, un cochon, attends, un porc. Non, pas un porc. C'est un pangolin. Pas un pangolin. Non, c'est pas un pangolin. C'est vrai que oui. Non, ce n'est pas un pangolin. Mais attends, pourquoi est-ce qu'un animal, ça pourrait plus être ça? C'est est-ce que attends. Pensez truc d'actu. Pensez truc d'actu. Oui, c'est qu'on a découvert un truc sur cet animal. Et non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'exploitation animale. Non, il se l'est fait voler un truc, ce monsieur, Seth Green. Ses couilles. Non. Attends. Ou alors c'est pas l'actu, hein. Mais attends, il s'est fait voler un truc qui fait qu'il ne peut plus faire ce dessin animé. Un truc donc un rapport avec cet animal. Ah, son chien. Non. Il s'est fait voler les roches, enfin les. Non, les... non, non, non. Non, non, je plaisante. De quoi cet humour? Mais je rigole. Hey, attends, j'ai pas compris la blague. J'ai pas compris. Non, mais je l'avais hors antenne. Ouais, d'accord. Ok, non, mais tu n'avais pas compris. Non, le... c'est pas une sur quoi reposait la blague en fait. Les gens auront la ref. Écoute, là, on colle. Il s'est fait voler un objet. Tu t'approches. Bah c'est... donc quand je dis son des ordinateur. Roches. Non, non, c'est non, c'est non. Non, je plaisante. Vraiment... la documentation. Non, pas la documentation. C'est lié vraiment au héros de son film. Mais son héros de dessin animé. Mais c'est un animal. Son animal à lui. Qui est un singe, je vous le dis. Il s'est fait voler son idée par les NFT. C'était un singe dégueulasse des NFT là. Oh putain. Très bonne réponse de Pierre Ninet. Je comprends même pas ma réponse pour le moment. J'ai qu'une hâte, c'est qu'ils me disent exactement ce que c'est parce que j'ai balancé que des mots vraiment à la mode. C'est le multiverse en fait. Ouais. Voilà. Et oui, c'est ça, tu t'es dirigé avec mes yeux. T'as ouais, fait oh, là, oui, je crois ça, que c'est ça, là, NFT, exactement. Voler, voilà. Voilà. Ça, je le fais et très ça, bien. C'est l'acting. Ça, c'est l'acting. Ouais, ouais. Parce que médium en fait. C'est ça, L'acteur avait un NFT, le singe dégueulasse d'NFT, vous savez, ces singes, ouais. Les board apps, les pochettes de Chocapunk. Oui, plus comme Attends, redis-moi comment on dit singe en anglais, parce que j'ai pas. Ape, bien sûr. Oh, non, c'est dommage de lui donner. Non, Il l'avait. Quand même. Krief. Mais pour les gens qui s'ennuient, ça n'a rien à voir. Plus suivi, moi, depuis 100 minutes. Max Google 4. Attendez. On me rappelle des singes immondes comme celui d'Ivic. Bien sûr, alors Mister V a ce singe dégueulasse en profil pic d'Instagram, mais c'est une honte. Je comprends pas, il l'a en profil pic, ça veut dire que c'est son singe NFT à lui. Ouais, c'est à lui. Et il l'a acheté. Et le truc prend de la valeur. Il l'a acheté. Ah bah, il faut écouter le podcast, il l'a dit. Je crois qu'il en parle, ouais. Ah bah, je vais réécouter. Ça enlèverait en fait que c'est un des trucs les plus moches de la Terre quand même. Et donc lui, il en avait un, Seth Green, et il voulait faire un dessin animé sur son personnage. Sauf que le problème, c'est qu'il s'est fait hacker. Et que ce board ape. Ça lui appartient ape, plus. Et là, maintenant que ce NFT a été volé, il a été revendu. Et du coup, il n'a plus les droits. Il change le design du singe et. Non, je sais pas. T'énerve pas. Tu vas te calmer, mon grand. Non. Jamais de la vie, je me calme. Écoute, je te le souhaite. Mais mais je suis sûr que comprends pas, Pierre a une anecdote sur le gars puisqu'il connaît tous les gars. En fait, Seth qui se passe. Et... Donc je le textais. Mais c'est toujours une anecdote de merde où je le texte via trois personnes. Je suis à 9 poignées de main de Seth. Ouais. Non, mais en vrai, je comprends pas comment tu peux te faire voler un NFT. Je croyais que t'avais un code ou quoi. Non. C'est bien un lien tu peux te faire hacker. Phishing, ils appellent ça, qui permet aux pirates informatiques de récupérer les informations confidentielles du propriétaire imprudent ayant cliqué sur un lien qu'il aurait reçu par mail. Ça peut se revendre des NFT. Et du coup, en gros, si tu te fais hacker quelqu'un à tes codes d'accès, il peut faire une opération genre comme si tu le transférais sur le compte de quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, tu te le fais voler. Quoi. Oui, mais tu peux pas porter plainte et dire je me suis fait voler un truc. Il y a une zone grise. Si la police était. Il y a une zone green même. Pas me lancer. Darmanin, t'as qu'à dire Darmanin. Ouais, Darmanin, on se fout pas un peu de notre gueule. Tu dis Macron démission, Darmanin, tu dis les trucs. Ouais. Et donc, cette green, pardon, s'est fait piquer ses NFT et ses NFT se sont fait revendre. Je comprends pas, les NFT pour moi, c'est un truc super officiel maintenant. Mais on vient à quel moment, oui, mais à quel moment, tu dis pas bah, c'est mon singe ça, je l'avais acheté, le gars s'en rappelle. C'est évidemment un voleur qui a ce truc là maintenant. C'est pas comme quand tu voles un vélo et puis personne le retrouve, la police le recherche pas et tout. Là, c'est un ape qui ressemble à aucun autre. En fait, il faut que tu puisses prouver que c'est pas toi qui a fait l'opération de transfert, en fait. Et apparemment, ça, c'est très compliqué. Bah, tu portes plainte, c'est ça la preuve. Oui, mais les flics, déjà, pour tout ce qui est internet, ils sont à chier. Eh oui. Et en fait, le truc, c'est bim, que... la police. Non, mais en fait, ils tu peux porter pour plainte. Leur grade. Non mais tu, en fait même si tu portes plainte, faut que tu puisses prouver que c'est pas toi qui a fait le transfert du truc et c'est très compliqué. Ouais, okay. Et en plus ça s'est fait, pour tout vous dire, ça s'est fait à quelques jours de la sortie du dessin animé. Mais c'est là où il a pas de bol. Fait. Ah oui, le truc d'accord. était terminé, le dessin animé était fait et à quelques jours où il sort, le truc a été volé, donc le droit américain fait qu'il n'a plus les droits sur ce NFT. Et oui, donc il ne peut pas utiliser. Juste parce qu'il le montrait dans le dessin animé. Ah bah c'était le héros. C'est le nouveau truc à la mode. Tu n'as pas vu les 1 milliard de stories des gens connus où ils font des oursons en NFT? D'accord, mais il peut dire j'étais propriétaire jusqu'à tel jour du truc, le dessin animé. Bah, visiblement, tu connais les States. Tu connais les States. Ah bah je les connais par cœur. Nolan, tu t'as serré la main sans te regarder dans les yeux. Il a acheté tous les Airfields là-bas. Non, il connaît par cœur. En VO, hein. Non, mais... en anglais. Pas les Garfield traduits et tout. Non, là. Pas les Garfield avec la voix de Coé. Les vrais Garfield. Pas avec la voix de Coé, je vous le rappelle. Quelque chose ayant appartenu à Jimi Hendrix et d'un peu insolite va être exposé en Islande, à votre avis, quoi? Bah, son slip. Donc ce n'est pas son slip. Ouais. Chips. Un futal. Pas un futal, mais vous êtes pas si éloigné. Hein. Non, pas chaussettes. J'ai déjà dit. C'est des vêtements. Ce ne sont pas des vêtements. Un cure-dent. Sa bite. Ce n'est pas. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. Bravo. Alors la bite de Rasputin. C'est quoi la bite de Rasputin? C'est la bite de Rasputin qui est exposée dans un bocal en Russie. Ah ouais? Et qui est. Depuis tout ce temps? Dans le formol. Tout simplement, il y a la bite de Rasputin et c'est gigantesque. Ah ouais, oui, donc c'est faux. Une immense bite. Ils ont tranché une bite de cheval, ils l'ont mis dans un bocal. Alors, c'est Rasputin. Ça fait partie des. Non, a priori, une bite de cheval, ça ressemble assez peu à une bite de. Non, mais la bite de quelqu'un d'autre, tout simplement. Bah, ils ont. Bah oui. Ils avaient un panel de cadavres, ils ont fait trouvez-en un qui a une bite énorme. Bah oui, bah alors, pour le moment, pour moi, je suis à deux doigts de faire ça à ma mort, moi. Donc, Tu comprends bien qu'il y a un intérêt, oui. Si je meurs, mettez-moi une énorme bite. Je demande une seule chose. Une énorme bite dans le formol. Et ces derniers mots ont été. Oh non, vous avez enregistré. Merde, on peut pas mentir. Attendez, c'était ce qu'il voulait qu'on écrive sur sa tombe ou pas? Ouais, je crois que c'est ça. En tout cas, on l'a mis, nous, donc c'est déjà fait. On va passer. Le mec se décompose. Il est en train d'enlever des vêtements. Il tient la banquette. Il sue. Il y a un peu de peau qui s'est barré. Il a le visage de Pierre Palmade. Je suis pas bien. Oh d'accord. J'ai pas le Covid. Ah plus loin, le Covid. C'est ça ton imitation nouvelle. C'est celle que je fais à peu près bien. Ça me gâche un peu. Il y a quelqu'un. Et tu vois, c'est joue le clairon. Alors je sais pas ce qu'il essaie de faire. Si t'as fait ça aux États-Unis, c'est normal qu'il t'ait pas rappelé. Je suis trop franco-français. Oui, c'est une cata. Et puis Pierre Palmade, surtout, il parle à quelqu'un. Enfin, tu vois, toujours ça. C'est Valérie, comment que je. Que j'ai les clés de la voiture. Je sais pas pourquoi tu demandes ça. Hein. Excuse-moi, t'as pas le monopole de la patate. C'est des heures de rire et chanson dans mon lit adolescent. Mais pourquoi tu faisais ça? Mais j'adorais. Oui, un énorme ringard déjà à cet âge-là. J'écoutais Max la radio libre sur Fun Radio. Ah bien sûr. Avec Gérard Souren, évidemment. Et ensuite,

C'est Carla Bruni, tout simplement. Pour moi, c'est bien imité parce qu'en vrai, je ne sais pas du tout sa voix. Si, donc, si, si, moi, elle a un truc. Mais non, elle a surtout. Vas-y, vas-y, Florent, à toi. Non. Vas-y. Bah, j'ai fait le jeu et tout. Oui, mais vas-y, ouais, quand même. Okay, un petit peu. Ah, Nicolas. Ouais. Bravo. Mais c'est un peu mieux que nous déjà. Mais qui est Nicolas? Nicolas Bedos. Ah, d'accord. C'est la belle époque. D'accord. Ah, bravo. Non, voilà, c'est bon. Ah, mais c'était pas si mal. Je sais pas ce que t'as imité là, mais c'est autre chose. Ah, c'est Jar Jar Binks. Gollum un peu, mais. Gollum, mais relax, quoi. Mon précieux. Mon précieux. Une soirée avec Gollum. Ouais, c'est vrai. Soirée chill. Ouais, bah ça reste mon précieux, mais il faut savoir aussi mettre des choses de côté. On peut prêter. On peut prêter. On peut prêter. Ça a permis de passer à autre chose. Vous voulez manger un petit peu? Vous voulez manger une pause? Pizza, quelqu'un veut de bière? Soirée Gollum. Fanny Gollum, finalement. C'est un mix. C'est un président avec une bibliothèque à son nom. Oh là là, il est remonté. C'était pour moi. C'était pour moi. C'était pour moi. Oh. C'est François Mitterrand. Oh. Oui, oui, non, mais. Non, bah, je le fais quand même, la version un peu. Ouais. Cool, encore, relax. Il a été invité par Gollum. Hein. Oui, c'est, il me semblait qu'il m'a dit que c'était son précieux, oui, oui. J'ai absolument pas Mitterrand. Oui, je l'ai prévenu que c'était mon précieux. Oh. J'en ai pas pris ombrage. Vous avez tout à fait raison. Monsieur Gollum. Monsieur Gollum Ardent. Mais à Gaulle, oui, il connaît son place. Il a créé les Restos du Cœur. Hey, c'est tous les chers. Mon rep, malheureusement. Quand c'est comme Mitterrand, un peu connu. Non, mais gars, il nous fait un timbre Mitterrand à chaque fois. Fanny Ardant. Mais non, mais gars, il s'en s'enfiler là. Moi, tout est travaillé, moi. Pardon, monsieur, je passe des heures à me faire rire. Ah si. Putain. Ouais, vas-y, vas-y. Bah attends, ah, excuse-moi. Enfoiré, c'est Coluche. Ah, c'est pas mal. Heureusement que t'as dit que c'est Coluche à la fin. Oui, c'est le but du jeu de dire le nom, la réponse en fait. Oh, ça va. Mais moi, tard directement. Attends, c'est quoi qui dit ça? Qu'est-ce qu'il fait avec son doigt? Bah, il fait ça avec son doigt. Histoire d'un mec. Histoire d'un mec. C'est... Ah, y'a. Ouais, je l'ai pas. C'est Manu Payet. Ah, apparemment. Ah, c'est marrant. Ah, oh, c'est marrant. Il a dit je l'ai pas en même temps qu'il faisait l'imitation. Non, mais c'est fou. Attention. À quel point je l'ai pas. Il a chanté la valse à mille temps. Au premier temps de la valse. C'est Piaf. C'est Edith Piaf. Elle l'a repris en fait. Ouais, c'est vrai. Pas du tout. Bah, il faut être un homme avec. Premier temps de la valse, c'est Gainsbourg. Non, un peu plus belge. Premier temps de la valse. Non, mais il était très intense. C'était ultra intense. S'il criait comme Mitterrand. Ne quitte pas. Moi je t'offrirai les perles de pluie. Transpirez plus sur le pays où il ne pleut pas. Qu'est-ce qu'il transpire? Je creuserai la terre jusqu'après ma mort. Je l'ai pas du tout. Putain, mais là, excusez-moi. Là, je me suis mis une chair de poule de. Dommage que ce soit pas filmé. Une chair de gêne. Je vous explique. Là, moi pour moi, dans le futur, il y a un producteur. Il se dit putain, je fais un biopic de Jacques Brel. Il y en a un après petit coin, vas-y, viens dire. Il y a un film en préparation. Il se dit putain. Alors là, les coulisses du ciné, je peux vous balancer tout ce qui se prépare. Il y a un film sur Jacques Brel en préparation. Je l'ai pas passé, mais par contre, tu vas rire. Adrien, j'ai passé les essais qui étaient peut-être le plus gros fiasco de ma vie. Oh. Quand j'avais 17-18 ans, j'ai passé les essais pour jouer Yves Montand jeune dans un biopic qui n'a jamais vu le jour. Mais avec un très bon cast à la base, puisque c'était Céline Salette qui devait jouer. Yves Montand. C'est pour ça que ça n'a pas vu le jour, Nico. Non, qui devait jouer. Simone Signoret. Aidez-moi, merci, ouais. Simone Signoret. Ouais, ouais, ouais. Et donc, très bon cast pour bien ça. Sûr. Et de l'autre côté, il cherchait un Yves Montand jeune et il m'avait demandé d'apprendre au casting une chanson qui s'appelle Battling Joe, okay. Et qui est la chanson la plus dure. C'est de l'interprétation. Et en même temps, je faisais un peu mon temps, genre Battling Joe. Mais en même temps, je me disais, bon, il est pas vieux, il a mon âge à ce moment-là, il a 18 ans. Et je me disais, qu'est-ce que je fais? J'ai fait n'importe quoi. En plus, je chante pas très bien. Enfin, tout était catastrophique. Dis-toi bien qu'à côté, l'imitation du jardin, c'est de l'or. Si les producteurs ont encore la tape. Compte Twitter du Floodcast, vous nous envoyez un transfert, voilà. Chers amis, j'ai dit aux auditeurs que vous étiez invités et ils ont des questions à vous poser, évidemment. Par exemple, Pyjama, j'ai vu sur Instagram que tu comptais travailler sur un roman graphique. As-tu déjà des idées en tête? Oui, totalement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ou est-ce que c'est vraiment à l'état embryonnaire? C'est très embryonnaire, mais ça va parler de solitude et de à quel point c'est important et à quel point c'est effrayant aussi. on en parlait sympa. Tout à l'heure. Et t'as une idée de sortie ou non, t'es au tout début? Non, là. Pas du tout. Et en fait, comme là, je viens de finir mon album et mon livre, je me suis dit que j'allais un peu me calmer. En fait. C'est l'été en plus. Ouais, on boit des pina coladas. Ouais, et on défonce des piñatas. Ouais, bien sûr. Date. Enfin, moi, bien je fais ça perso. Ouais, bah comme tout le monde. Hein. Et non, du coup, je vais écrire ça. Bah, je voulais peut-être partir en Islande pour le faire, mais tout le monde m'a dit c'est hyper cher et les gens sont méga casse-couilles là-bas. Donc, oh. Et il y a la bite de Jimi Hendrix. Enfin, ça fait beaucoup. Ah, je vais peut-être y aller. Ah, peut-être faire un crochet quand même. Histoire de faire un petit selfie avec ce chibre. Évidemment, évidemment. Selfie un chibre. Selfie avec un chibre, peut-être le titre aussi de cet épisode. Ça peut bien sûr marcher. Voilà pour cette question. Que tu écrirais et dessinerais? Tu ferais les deux? Ah, ou bah oui, attends. J'ai pas de main. Le grand chelem. Bien sûr, évidemment. Elle l'a dit. C'est fou. Elle a tout fait avant de le dire. Branler la bite. Me branler. Moi j'ai très envie de lire ton. En fait, je livre. Savais pas que t'avais des enfants, sinon. Ouais. Mais non, mais je vais me lâcher avec grand. Filer à toi plutôt qu'à Flo. Quand même beaucoup moins. Peut-être t'es un peu ricrac en ce moment, donc on pourra t'en envoyer un. Je préfère que vous m'envoyez quand même les trucs. Hein. Ok. Comme sur le. Tu nous feras la merge du podcast. Ouais. Je voulais être sûr que j'allais déjà, pas payer. Tu peux prendre un comme ça. Bah, je le prends à 100% des petits autocollants pour mes filles, mais t'imagines pas comment elles vont être trop contentes. Oh là, j'ai la tête qui tourne et tout. Ah, ça va? Ouais, non, c'est l'alcool vraiment. Toujours. Mais attends, c'était il y a 3 jours. Tu gardes l'alcool très longtemps, c'est fou. C'est économique en même temps. Non, ouais, cela dit, c'est bien. Et moi, je veux juste intervenir, vas-y. Puisqu'on parle de pyjama, juste pour dire que quand ils m'ont demandé, effectivement, j'ai dit ah, j'aimerais trop que ce soit avec toi parce que je trouve que t'as une super voix, j'adore ta musique et je te trouve dans les floodcasts que j'écoute allègrement très très drôle. C'est donc très j'étais gentil. Très content de partager cette émission avec toi. Pierre, avec quel acteur avec lequel tu as travaillé t'as le plus impressionné? Sachant que tu as joué avec plein de gens. Ouais, à la comédie. Je pense tout de suite à la comédie française parce que j'ai découvert des artisans de la comédie, des mecs qui sont capables de te faire des nuances d'une note à l'autre en fonction de ce que leur disait le metteur en scène et des gens comme Christian Eck qui est à la comédie française, qui est un acteur incroyable qu'on voit un peu au cinéma et qui est metteur en scène aussi. L'année où je suis arrivé, il a gagné le Molière du meilleur acteur pour son rôle dans Un fil à la patte de Fedo. Et genre, c'était, il avait des inventions à chaque répétition, mais des inventions qu'il avait vraiment mis en place. C'est-à-dire, il était allé voir les accessoiristes, il avait préparé des chaussures avec de la patine qui glisse en dessous, avec un carnet, avec un stylo, avec un truc. Donc, il inventait des gags chez lui et il avait une inventivité folle. Donc, je pense à des gens comme ça et d'autres dans d'autres styles à la comédie française. Mais peut-être l'actrice qui m'a le plus impressionné, parce que c'est une actrice, c'est j'ai eu la chance de tourner un film avec François Ozon qui s'appelle Franz, pour lequel du coup j'avais dû apprendre l'allemand effectivement. Et elle s'appelle Paula Baer et c'est une actrice de malade et j'étais vraiment enfin je buvais du petit lait en même temps que j'étais plongé dans les scènes parce qu'elle est tellement forte, c'était ultra immersif comme expérience d'être face à quelqu'un comme ça. C'est limite, tu peux pas mal jouer parce qu'elle joue tellement bien que en fait, t'as juste à répondre quoi. D'une certaine manière, ça te pré-mâche le travail un peu en tant qu'acteur quand quelqu'un joue. Enfin, moi je trouve quand quelqu'un joue aussi bien, c'est un vrai cadeau. Donc je dirais que c'est elle, une jeune actrice allemande. Elle a fait un petit rôle dans le film avec François Civil dont on parlait tout à l'heure avec les sous-marins dans Le Chant du Loup. Le Chant du Loup. Et voilà, elle m'a vraiment impressionné. Après, en vrai, il y en a plein. Je pense à Anaïs de Moustier qui jouait ma femme dans Sauver ou Périr et qui était dingue en peu de scènes. Elle était Piflard. Dingue, ouais, je faisais le pompiflard. Adrien veut absolument que ce mot pompiflard existe et j'ai eu beau lui expliquer. Tu sais que c'est une de ses plus grandes fiertés? Non, mais je vais pas mal raconter. C'est-à-dire que sous une de tes photos, il avait commenté All Pompiflard. Un truc dans le genre. Bah, à peu près toutes les photos, a priori. Pas mal, ouais. Et il a eu un like de Xavier Dolan. Ah, génial. Génial. Et je me dis, mais quoi? Et pourquoi? Ça rien, je sais pas. Bah, c'est génial. Faudrait lui demander, mais vraiment, ça m'a fait rire d'imaginer. Xavier Dolan, qui dit Pompiflard. Ouais, c'est bon, c'est vrai que c'est un bon pompiflard. Pompiflard, c'est pas mal. C'est un vrai pompiflard, c'est vrai, putain, il est fort. Ouais. Pyjama, combien de temps vous avez pris avec Pomme pour concevoir votre livre pour enfants? Est-ce que ça t'a donné envie de créer d'autres livres pour les enfants? Est-ce qu'il y a eu des pépins? Oh, la Pomme. Alors on l'a on a commencé à bosser en octobre, je sais plus, elle connaît toujours les dates à chaque fois, je suis là genre nia nia nia, bon bref, une date. Et c'est la Dustin Hoffman de ton Tom Cruise, ouais, genre, ta pote à la compote quoi. Le Tom, hein, bien sûr. Quelle enfoirée. Sans vouloir citer Orelsan, quand est-ce que ça s'arrête? C'est marrant. Oh, c'est marrant. Ah, c'est marrant. donc du coup ça elle est golden ton histoire. Pas golden. pomme. Non mais les gars, elle va nous mettre une tarte. Arrête. Ouais. Bah, du coup, j'ai envie de participer. Non, mais pas. Non, ça serait qu'elle. Là, c'est là que les portes de l'enfer s'ouvrent. Les pommes de l'enfer. Oh. Bon, donc, alors, une tarte aux portes de l'enfer. Non, ça l'a bu au gazon. Tellement à l'aise, là, t'es dans tes chaussures aux pommes. Non, allez, là on est un peu trop dans la haine, soyons dans l'amour. La pomme d'amour d'ailleurs. Oh non, mais quoi? Ah, t'avais à peine préparé le terrain, c'est chouette. C'était bien spontané, ça fait plaisir. Un petit rebond. J'ai des pulsions, ouais. J'ai envie de Il avait 9 phrases d'intro avant d'arriver à son jeu de mots. Ça fait 5 minutes que t'en cherches un, Pierre. C'est vrai. Il cherche encore là, déjà. J'étais un peu. On peut peut-être passer à une autre question du coup. Non, pardon, désolé. Tu t'y es mis à un mois de l'année. Et vous avez mis combien de temps? Donc, il faut expliquer aux gens. Toi, tu as fait les dessins. Tu n'as pas du tout participé à l'histoire ou c'était quand même un travail commun? Bah, en fait, arrêtez les deux. C'est toujours tout pour ma pomme. Non, allez, on va reprendre. Donc, après, on va se pommier là. Stop. Arrête, là, tu lui passes de la pommade. Pierre Pommade. Oui. C'est Pierre Pommade. Oui, ça te fait du bien quand je fais ça. Ah d'accord, bah attends, je t'en mets un peu dans la nuque. Hein? Anti-inflammatoire, que quoi? Que j'ai? Elle est anti-inflammatoire? Ah d'accord, mais je sais pas. Je le vois, il est là. Ah, quel bonheur. Pierre Pommade. Bah le titre, bah, évidemment. Ouais, c'est devenu automatiquement le titre. En plus, c'est bien d'un peu s'éloigner des titres bon, avec Bref, donc elle a écrit l'histoire en très peu de temps au début. Et moi, j'ai mis à peu près 6 mois à faire les illustrations, que c'était très long. Et en fait, comme elle était au Québec et moi en France, on s'envoyait beaucoup de mails avec des idées. Et parfois, je lui disais genre, hey, ça serait marrant qu'on fasse un jeu de mots. Le mec rit. Bref, et du coup, ça a été un ping-pong entre nous deux. Et parfois, elle se nourrissait un peu des dessins, pas vraiment au premier degré, mais bien voilà, sûr, elle se nourrit uniquement de pommes, on s'en doute. Évidemment. Et parfois, moi, j'adaptais. Enfin voilà, mais en tout, ça a dû prendre au moins une année. Et puis maintenant, on est 6e des meilleures ventes de livres jeunesse. Oh, qu'est-ce wow. que vous voulez y faire? Eh ben, on peut rien je y me faire. Balade dans Paris, je le vois dans une vitrine. Oh, oh là là, c'est magnifique, c'est un plaisir. Et franchement, moi, les dessins sont trop mignons. Dès que je suis arrivé, c'est j'ai vu gentil. Le livre. Je trouve ça hyper mignon. Pierre, à un moment, tu as parlé d'un projet de film que tu avais, un projet dystopique dans un monde où le rire est interdit. C'est vrai. C'est toujours d'actualité. Est-ce que tu travailles toujours dessus? Bah, c'est un peu en stand-by parce que pour plein de raisons. Bon, déjà parce que j'ai eu des films qui se sont présentés à moi là que j'avais très envie de tourner en tant qu'acteur. Donc voilà. Et ensuite le sujet, en fait, moi je l'écris depuis 10 ans. Moi je suis fou de comédie et j'adore ça. Et vraiment j'ai grandi avec écrire la chanson. Mais franchement ça a fait mon ADN. Ouais, non mais Pierre Palmade qui est quand même un bête d'auteur de comédie. Mais à l'époque le meilleur, hein, franchement. Ouais, bien Pédale Douce, les spectacles de Robin, même de Bigard à l'époque. Il est dans tous les films. Exceptionnel. Et non, mais aussi bien sûr Louis Funès et puis tous les Américains aussi que mon père m'a fait connaître, Chaplin, Buster Keaton et puis Peter Sellers et tout. Bien sûr. Et donc ça fait longtemps que j'écris ce film parce que je voulais faire une déclaration d'amour à l'humour, en fait, qui est difficilement, enfin sans être trop méta, c'est dur d'en parler tout en étant drôle, tout en rendant un hommage et tout ça, voilà, c'est très difficile. Mais je pense être arrivé à un truc qui, moi en tout cas, me parle et me plaît à travers cette. Effectivement, donc le pitch est sorti, donc je peux m'en parler à travers ce pays imaginaire, cet état dictatorial imaginaire où l'utilisation de l'humour aurait été interdit. Le truc, c'est qu'avec les années. Avant Charlie Hebdo, ça avait une teinte où tout le monde disait « Ah, trop bien, vas-y » et tout. Le temps que j'écrive, il y a eu Charlie Hebdo. Tout le monde m'a dit « Waouh, c'est super engagé, très Charlie Hebdo. » En fait, ça se teintait des événements qui se passaient. Et le côté « c'est très Charlie Hebdo » me dérangeait pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est encore autre chose. C'est « Waouh, fais gaffe avec ce sujet et tout machin. Ouais, » que t'aies pas l'air de passer pour un réac. Alors que moi, j'ai fait un film pour dire « Bah, en fait, moi, j'ai grandi avec Chaplin et, le rire et l'idée de ce langage universel, je l'adore. » Côté essentiel de complètement, complètement. Donc, de toute façon, le film en lui-même, je pense pas qu'il sera attaqué. Mais comme ce serait ma première réalisation qui sortirait chargée inévitablement d'une polémique, oui, ou en tout cas tout le temps, bah bon, voilà, qui serait pas forcément, voilà, et je pense que je serais tout le temps interrogé sur mais vous voulez dire qu'on peut plus rire et tout, et en fait moi j'ai pas envie d'aller là-dedans du tout, c'est pas du tout le projet de mon film, et du coup bah c'est un peu en stand-by sur le côté, et puis je pense que je réaliserai quelque chose d'autre en premier long métrage, et que celui-là sera peut-être mon deuxième ou une série, ou on verra. Est-ce que tu t'es inspiré de l'émission Amazon Il ne faut pas rire sinon LOL qui ressort. C'est vrai que c'est une adaptation pour moi. Oui. Non. Oui, c'est le plagiat. Voilà. D'accord. Mais au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Non, mais je préférais jouer frangeux sur celle-là. Il y aura quelques jokes de papa quand même dans le. Oui, bien sûr. J'imagine. Oui. D'accord. Pourquoi s'en priver? Pyjama, j'ai écouté ton dernier album et je l'ai adoré. J'ai l'impression qu'il a pris un virage plus électronique. C'est Philippe Manœuvre qui a envoyé ce truc. Philippe Manœuvre, imitation. Oh non, je sais pas. Tu l'as. Mon père me l'a fait. Vas-y, souvent. Non, mais le rock, pas du tout. Il y a l'idée, mais on va avoir la finition. Je vais le tenter. Vas-y. Non, mais c'est les Rolling Stones. Ouais, bah c'est, ah c'est ouais, parfait. Il est parti un peu plus dans les débuts. Ça, c'est rock'n'roll. La nana est géniale. Non, je crois que c'est toi. C'est toi, t'es génial. Non, c'est toi, je t'aime. T'es le meilleur, t'es une éponge. Et bref, est-ce que tu. Je trouve qu'il y a des sonorités très 80s. Est-ce que c'est quelque chose que tu as cherché? Oh ta gueule! Bah ouais! On dira, hein, c'est Benjamin, non, il s'appelle. Non, pas d'influence précise. Je pense que c'est plus Axel. Et après, les gens ils me disent genre ouais, ça me fait penser à ça. Et puis moi, je connais même pas ce groupe. Donc, mais ça, c'est très agaçant ça. Moi, j'avais surtout ça quand je fais du dessin. Oui. Beaucoup, où je dessinais, on me disait ah oui, on sent bien l'influence et on sort un nom que t'as jamais entendu. Rien, rien à des influences. Et sur, non, mais tout le monde dit Pierre Lapolice en général, même si ça n'a rien à voir. Non, moi, je peux même pas dire le nom parce que c'est vraiment. On sortait des noms que je connaissais pas. On m'avait dit Bill Sienkiewicz. Bill du Big Deal. On m'avait dit Bill du Big Deal. On sent l'influence de Bill du Big Deal. Mais je pense que les gens, ils ont tout le temps besoin de te comparer à. Ouais, mon ami Vincent. Genre, ils fumaient des clopes. Bonjour, Amélie. Ah, pas mal. La gaffe. Non, mais les gens ont souvent besoin de te comparer. Ben, je pense n'importe qui d'entre nous, ils ont besoin de te comparer à quelqu'un parce que ça fait un sujet de conversation. Moi, c'est des vieux gros chauves de lambda d'internet. On me dit quand même, il y a quelque chose. Hein. Je fais, toi, ouais, Pierre, grave. À mon avis, on te compte quoi que te comparer à des vieux acteurs. DiCaprio. Non, je pense pas que ce soit vrai. Pourquoi? Insulte-moi devant toute la France. Non, mais quelqu'un qui. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'es le nouveau? Oui, quand j'étais au théâtre, on me disait, vous êtes le nouveau Gérard Philippe. Bon, c'était aussi des vieux chauves. Quand je passais des castings au début, quand j'étais plus jeune, on m'a dit ah, tu ressembles un peu à un Louis Garrel. Des fois, on me disait ça. Ah, bon. Ok, tu vois. Et après, on m'a dit ah, tu pourrais vraiment être le petit frère d'Adrien Brody dans un film. Et il était question que je joue son chauffeur dans un film français où il jouait dedans. Bref, ça c'est pas fait. Ok. Bah, après, son chauffeur qui lui ressemble, c'est un peu chelou. Non, bah, je crois qu'il aimait bien justement le réalisateur. Disait c'est pas mal parce que parce que j'ai pas le choix. Pour que les gens comprennent rien au film, tu vois. Ça permet aux gens de ne rien comprendre, tu vois. Tout seul, qu'est-ce qui se passe? C'était David Lynch, hein, cela dit. Donc, ouais, il y avait un peu de David Lynch. Non, mais voilà. Vous swappiez les rôles. Exactement. Au milieu du film. Ouais. Et après, il y avait Adrien et son costume de chien et son chien. Non, ah oui, moi dans un film, a priori, non. Oh, ça va! Ah, c'est doux amer, enfin surtout amer. Adrien Amerniel. La douceur s'estompe. Adrien Amerniel. Oui, Adrien Amerniel, très bon. Donc on m'a pas trop comparé, mais c'est vrai que ça rassure beaucoup les gens de comparer, oui, et dire ok, ça ressemble à moi j'ai tout fait pour que tout ce genre de choses n'arrive pas, enfin pas ne surtout pas ressembler à quelqu'un, parce que moi j'adore m'inspirer de gens, au contraire. Moi j'aime t'es bien. Une éponge, on rappelle, et en plus je suis une éponge, donc voilà. Donc là, ce côté là il est un peu mou, mais derrière c'est un peu plus dur, attention, hein, s'il y a des taches un peu tenaces, vous la crème hydratante pomme. Quoi? Elle a lancé une pomme de secours au dernier moment. Une grenade. Help, pam, pam. Donc voilà. Mais qu'est-ce que je disais? Voilà. Gérard, la fin de ma phrase. Non, voilà, c'était quoi? C'était que voilà. Non, moi, j'ai travaillé pour pas. Pas forcément rassurer les gens qui se disent attends, lui c'est un acteur de drame, un acteur de comédie, c'est un acteur qui fait ça ou qui fait ça. T'as brouillé les pistes. Donc j'ai essayé de pas brouiller les pistes, mais en tout cas de faire des trucs qui me faisaient plaisir, et à savoir c'était des trucs différents. Non, mais ne dis pas pour moi en fait. Non. je vais. Non, mais vas-y. Je vais peut-être. Non, voilà ce que je voulais faire en Est-ce tout cas que depuis tu te des années. Oh, comme bah les deux, putain. Pas marcher dans les traces de quelqu'un. Enfin, c'est ça que tu voulais dire, il me semble. C'est pas être dans les traces de quelqu'un, quoi. Oui, c'est ça. Donc je vais filer parce que de toute façon, a priori, il y a des chouchous des Français en fait. Tu le considères comme non, le chouchou des Français? Non, le chouchou, non, peut-être le préféré. D'ailleurs, à chaque fois dans les sondages, les préférés des Français, je sais pas si t'as remarqué, je suis dans le top 10, 15. Faux, j'ai jamais été dans aucun top. Ah ouais, ouais, non, tu vas pas remarquer parce que je suis pas obsédé par toi non plus. Donc non, j'ai pas remarqué, Pierre. T'as pas besoin d'être obsédé par moi? Oui, si, remarque. Faudrait être un tout petit peu obsédé par moi. Dis donc, t'es pas du tout dans le classement, j'ai remarqué. Je voulais juste dire que je n'ai jamais été dans ce truc. Ceci étant, c'est Jean-Jacques Goldman depuis toujours. Oui, c'est pas avec Noah? Non, mais il y a beaucoup Jean-Jacques Goldman. Alors et qu'il est chef de village, je rappelle. Il fait rien depuis 20 ans. Il a vraiment la sensation que pour être le gars préféré des Français, faut être absent. Faut pas moufter, quoi. Faut pas moufter. C'est-à-dire vraiment. Le mieux, c'est si t'es musicien, par exemple. Tu ne dis jamais rien sur rien, écologie, politique et tout, je t'en parle même pas. Ouais. Mais aussi, tu ne sors plus aucun album. Non, c'est vraiment, tu ne fais plus rien. Ouais, quoi. Les gens restent sur les souvenirs. C'est ça. Voilà. Parce qu'ils gardent les meilleurs de toi. Exactement. J'ai assisté à une set, et c'est un peu lié, c'est dans La Flamme. Donc il y a Aurel San qui fait un guest dans la première saison. Il fait Fabulo, l'humoriste. Oui. Et à un moment, il y a eu une petite battle d'actrices qui ont voulu l'imiter devant lui. L'enfer. Il s'est senti un tout petit peu pris en otage. Il avait fait non, mais si, parce qu'elle, elle le fait bien, vas-y. Non, mais alors pas elle. Tu sais, il est adorable, il fait d'accord. Okay. Personne doit l'imiter en plus, c'est ça qui est. Bah, c'est je crois après. Pas trop. Hein. Pas trop. Je crois que Homer Simpson l'imite bien par contre. C'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il dit. Il a dit quoi? Non, c'était Léa Salamé qui avait dit on vous a jamais dit que vous aviez la voix d'Homer Simpson. Il a fait ah ouais, c'est marrant. Non, il avait la dit la voix française. Ah ouais, de Philippe Pétieux. Non, on me l'a jamais dit. On me l'a jamais dit. Un génie. Une masterclass. Multiverse. T'as tous les termes. Bah oui. Non, une masterclass. J'ai calé une imitation dans l'anecdote du coup. C'est très fort. Ah oui, le gars des Simpsons, celui qui fait le grand-père Simpson comme ça. Ah, on m'a dit que j'étais Lisa qui avait pris le vélo. Je sais pas, c'était vraiment au cours d'une phrase, j'ai senti que ça venait. C'est que tu m'as vanné tout à l'heure sur comment j'ai amené ma main. Ah oui, le mec qui fait grand-père. Ça me rappelle. Largement pire ce que je viens de faire. Surtout que t'es pas sûr que ce soit le même. Mais c'est sûr que c'est pas le même, je crois. Ah si, quoi que. C'est Pétieux. C'est Pétieux. On parle. Il a fait tôt. Il a fait en tout. Voulant faire genre, je peux vérifier si c'est la même voix, puisque je sais faire l'un. C'est un moment. Je vais faire un petit comparatif, attendez. Je vais vous le prouver, deux secondes. Tôt. Je pense que c'est même. En plus, je l'ai fait un peu pour moi, il m'a vu, c'était la honte. Je t'ai entendu surtout. Et d'ailleurs, Aurel San, quelqu'un posait la question, comment ça s'est fait, cette scène, une masterclass, on en parlait, totalement culte, la scène de casting, où il va de Marion Cotillard avec Nekfeu. Nekfeu, c'était un texte à lui, puisqu'il rappait. Pas que. Ah ouais. Enfin, les deux c'était des textes. Bah vas-y. Mais non, mais je me permets. Vas-y, non, mais en vrai, c'est pas Marion Cotillard qui rappe un texte de Nekfeu à la fin. Oui, voilà, c'est ça, pardon. Oui. Alors, c'est ça. Alors, j'avais demandé, pour ceux qui connaissent pas, c'est un épisode. Bah d'ailleurs, Canal m'a autorisé à le mettre, donc il est sur mon Instagram où on fait un battle de rap. Donc Marion Cotillard, et qui est dans l'épisode, elle cherche un rap contender pour un truc. Et du coup, je venais. Bon, moi, je suis évidemment affreux en rap. Non, mais j'ai repensé, c'est drôle. J'ai beaucoup ri à faire ça. Et d'ailleurs, pendant une impro avec Marion que je connaissais à peine, au bout d'une minute, alors que j'étais tout en impressionné quand même par Marion Cotillard et tout. Moi, c'est ma première petite série sur Canal et tout. Je fais une impro de rap. Donc à chaque fois, c'est des impros où je disais n'importe quoi. Je dis yo, et si t'as vu ta tête, si tu voyais mieux ta tête. Attends, pardon. Prendre deux secondes, c'était vraiment que des trucs comme ça. Et à un moment, je lui dis en première impro devant tout le monde avec le silence et tout, je finis l'impro de rap de 10 secondes de merde en disant, et tout ça parce que moi, quand je te regarde, ce que j'ai envie, c'est que je te broute. Et je lui dis ça, et là, il y a un silence, et elle explose de rire, heureusement. Voilà. J'explose de rire, je suis rouge écarlate sur le rush. Je dis pardon. Elle me dit mais non, mais c'est drôle, t'inquiète et tout machin. Elle était tellement cool. Oh, et je l'avais vu. Cette petite seconde, elle a le je te broute, j'ai fait genre quoi. C'est genre tu t'en veux à ton cerveau qui est allé plus vite que toi et qui a dit en fait ce que je rêvais de lui faire. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout, mais je ne sais pas comment je suis parti là-dedans. Non, mais je te broute. Je te broute, il n'y a même pas juste broute. Non, je te broute. En entière, l'intégralité de ta personne. Et elle avait été super cool parce qu'en gros, les deux gars, ils avaient commencé à écrire. J'avais demandé donc à Nekfeu et Aurel San de la clasher, mais je ne savais pas du tout où ça allait aller. Je me disais juste ça va être marrant de la voir face à des gars comme ça. Et ils m'envoient les textes et je trouve ça je trouve ça génial, mais je trouve ça un peu chaud. Je me dis, waouh, on l'a pas prévenu quand même, Marion, avant le tournage. C'est un mini roast un petit peu. Et je vois Aurel qui me dit, je crois qu'il me l'a dit au téléphone, il m'a dit, est-ce que ça va, c'est marrant. Est-ce que, pardon, j'en profite. Juste laisse Adrien le faire. Ouais, pardon, ok, bon, pour les trucs. Est-ce que ça va si je dis ta mort dans Batman? C'était ça qu'il disait. Tu veux le faire? Non. Est-ce que donc il me dit est-ce que ça va, il me dit est-ce que ça va si je dis la chose la moins crédible que ton rap, c'est ta mort dans Batman, et c'est ça qui lui lance à la gueule dans l'épisode, si vous allez voir. Et du coup je me retrouve à un dîner mondain où il y a Marion à une table et moi à une autre, et je dois, ma mission de la soirée, c'est traverser cette table parce qu'on tourne dans deux jours, et aller lui dire au milieu d'autres gens, excuse-moi Marion, ça va si à un moment il dit la chose maintenant, mais tu vas voir, c'est marrant, mais c'est marrant, la chose moins crédible que ton rap, c'est ta mort dans Batman. Je me retrouve à deux, c'était ça ma mission de la soirée. Par miracle, j'ai fini par dire ouais, il y a des, alors ça m'a pris 20 minutes d'arriver au truc, il y a des trucs un peu hardcore, mais il faut voir si t'es pas à l'aise, il y a aucun problème, et tout machin. Et la meuf, je lui ai dit, finalement, j'ai lâché la phrase, et elle a dit, mais non, mais c'est bien, c'est trop bien, au contraire. Ouais. Ah non, mais moi, c'est comme une thérapie pour moi, c'est bien et tout, machin. Donc, génial. Trop bien. Et du coup, on a pu dire ce qu'on voulait. Ouais, parce que toute la. Enfin, surtout celle d'Aurel, de mémoire, c'est que des vannes sur sa filmo en plus. C'est ça qui est rigolo. Ouais, carrément. C'est ça qui est génial. C'est que des vannes sur sa filmo. Et puis, Nekfeu, c'était des vannes sur elle, sur Canet aussi, je crois. Ouais, il y a plein de choses. Je vais au festival de Cannes et Cannes et Canet. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Franchement, c'était très cool à tourner. Bah, trop cool. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a parlé, on a bien rigolé. Bien lâché. Ouais. Pierre en train de perdre sa nuque. Je suis désolé, t'es pas dans le truc le plus. Ouais. On va quand même faire un dernier tour de table pour les recommandations culturelles, parce qu'à chaque fois, on aime bien faire ça. Adrien, est-ce que t'as une petite recommandation à offrir à nos auditeurs, comme ça, nos invités peuvent. Ça va t'intéresser parce que ça parle de basket et puis il y a ton sosie dedans en plus. Non, c'est Winning Time. Pierre Palma qui fait du basket. Quel concept. Non, c'est la série Winning Time qui est sur MyCanal et qui parle. Il y a une mouche qui est vraiment. Ouais, qui a aucun problème d'inhibition. Bah, je l'ai touchée. Moi aussi, non, je l'ai incroyable. Elle a volé, je pense qu'elle peut plus voler, elle est en train de mourir. Oh, la pauvre. À mon avis, c'est les dernières. Mais comment elle est arrivée là? À pied. Bon, bref, pardon. Petit moment de vie, hein, au final. Pas très radiophonique. Non, malheureusement. Non, la série Winning Time qui parle des Los Angeles Lakers à l'époque où Magic Johnson arrive. Et en gros, plus ou moins le personnage principal, c'est le mec qui a, à cette époque-là, racheté les Lakers dans le but d'en faire la plus grande équipe de l'histoire de la NBA et tout, qui est joué par John C. Reilly, donc trop bien, sosie. Déjà. Non, mais il y a Adrien Brody qui joue Pat Riley. D'ailleurs, ça parle aussi des Lakers, les Lakers Girls qui étaient des pom-pom girls. Allez, il nous a manqué un. Je l'ai pas vu la série, c'est juste pour faire ce jeu de mots. Non, je plaisante. Non, vraiment. Effectivement, vaut mieux aimer le basket et son histoire, mais C'est génial en tout cas. Non, le casting est cool. Et le showrunner ou le réal du pilote, je sais pas quoi, ou producteur, c'est Adam McKay. Ah génial, c'est Adam McKay qui a produit. C'est un nouveau personnage. Bonjour. J'imitais quelqu'un. Ah. Après John Cena Reilly, moi j'adore. Ouais. Et il est vraiment trop bien dans le. Bah c'est sûr, c'est un très grand acteur. Dans Magnolia par exemple, il était extraordinaire, très très beau film. Donc c'est sur MyCanal. J'ai oublié le nom. Step Brother. Non. Mais il est super. Walk Hard. Oui, trop bien. Dewey Cox. C'est quoi ce C'est une parodie de Walk the Line et de Rare, enfin de toute la vague biopic début 2000. Des musiciens en fait. C'est une parodie de tous les biopics de musiciens. Et comment quoi. Ça s'appelle Walk Hard. Ok, génial. C'est avec. C'est une parodie de ça, mais je rêve de voir ça. C'est coécrit par Judd Apatow. Et le truc qui est vraiment kiffant, c'est qu'il y a plein d'acteurs qui font des guests. Trop bien. Genre Jack White joue Elvis Presley. Les Beatles, c'est Jack Black. Paul Rudd, Jane Schwartzman, et il y a que des guests de fou, le petit jeune excellent Justin Long. Oui. Et qui réalise? Tu me mets une colle. Mais je sais que c'est. Je me mets une sacrée colle. Heureusement, regarde comme je maîtrise le web. Je googlise immédiatement et je te réponds. Comme Jake Kasdan. Alors, qui est Jake Kasdan? Sachez qu'il est connu puisque derrière c'est lui qui a fait les deux Jumanji. Mais à l'époque c'était, il avait fait. C'est Walk quoi Hard. La chanson de Jumanji? Jumanji, la jungle vous appelle. Bon, c'est les deux. C'est un jeu de société, mais en fait c'est aussi un cauchemar qui devient réalité. Je crois que c'est Jumanji, ça. Jumanji. T'as je crois mis que c'était la... ça. Oh, un texto de pomme, c'est réel. Oh, oh là là. Pomme d'anneau. Pomme d'Annette. Est-ce qu'elle a joué dans une sitcom? Trop dur à dire. Seigneur de Paul Dano. Pomme Dano. Là, je pense tu me demandais la question. Il n'y a plus de bière, il n'y a plus de bière. Là, ça y est, on a un peu perdu les gens. Je crois que c'est à ce moment-là. Je crois qu'on y est tout à petit. On donc, voilà, ça y est, c'est terminé. Pyjama, ouais, une recommandation culturelle. Ouais. Je t'en supplie. Oui, recommandation culturelle. La chanteuse Paul. Ouais, à toute sa disco. Pas très connue. Non, alors, à toi, t'en as dit une. Ouais, ouais. Bon, ok, alors. Moi, j'ai des trucs un peu basiques. Tout est accessible, tout est gratuit. Alors, la première chose, je vais le dire la plus débile en première, c'est un truc vraiment de beauf. Tu sais, c'est les fous rires que tu retrouves souvent sur TikTok et sur YouTube et tout. Tu sais, dans. Pour l'instant, je comprends rien. Très, très honnêtement. Je pédalais, mais physiquement, je pédalais. Bon, en gros, c'est un journaliste dans les années 80. J'ai honte. Et juste, il parle d'une rivière qui s'appelle la rivière Prout. Ouais. Et je l'ai regardé encore et ça me fait énormément rire. Et quand je le montre à d'autres gens, j'ai toujours peur qu'il rie pas et il rit, tout le monde rit en fait. Ouais, et okay. En fait, le mec pleure et il essaye de s'excuser. Et de... Donc voilà, c'est un peu un truc qui pourrait être dans une émission de Chavannes en fait, mais je vous le dis. Ensuite, j'ai regardé un documentaire sur Damon Albarn qui est sur Arte en ce moment et qui est très chouette. Ouais. Damon Albarn pour expliquer Gorillaz, Blur. Voilà, ouais. Et puis d'autres choses un petit peu. Et puis sexy de ses 20 ans à ses 70 ans. Tout à fait. Tout à fait. Qu'il l'a pas encore. Beau gosse. Pierre ? Alors, je viens de les écrire parce que j'avais complètement zappé qu'il fallait faire ça à la fin de l'émission. Pas, je te l'ai pas rappelé, donc c'est. Non, mais aussi. Écoute, c'est ta faute. Ouais, c'est. c'est tout à fait vrai. Je conseillerais une série qui est pas récente, mais qui je trouve a été un peu boudée en France, qui est The Morning Show. Ah oui. Ouais. Bah, les séries Apple ont pas passé encore non. Trop la. Non. Même Ted Lasso, en vrai, il y a pas grand monde. Non, mais Ted Lasso, je trouve ça beaucoup moins bien écrit que The Morning Show, même s'il y en a un, c'est un peu de la comédie dramatique pour Ted Lasso et Morning Show, vraiment du drama. Du pur drame. Mais je trouve que The Morning Show, sur la thématique justement de la parité homme-femme, des jeux de pouvoir, du consentement et tout, je trouve ça vraiment intelligent, bien écrit, c'est prenant en même temps et c'est pas rébarbatif, c'est pas moraliste à outrance. Je trouve qu'on a une vraie pluralité des points de vue, c'est très bien écrit, c'est très bien joué avec Jennifer Aniston et Steve Carell qui est vraiment décidément ne sait pas faire autre chose que d'être génial tout c'est le temps. Fou, c'est fou. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un film. Moi, le dernier film que j'ai vu, c'était le film avec Timothée Chalamet où il était encore incroyable. Ouais, incroyable. Par ce réalisateur dont je dirais pas le nom parce qu'il y a des mots que je dirais pas bien, c'est un Belge, mais qui avait fait. François Damiens. Non. Ouais. Ouais, exactement. Non mais qui avait fait Alabama Monroe, enfin c'est un très grand réalisateur, Félix quelque chose, Von quelque chose, qui est un super réalisateur, et il avait fait My Beautiful Boy et tout dedans Steve Carell est poignant, enfin il est incroyable ensuite. Il est vraiment dingue. Un peu dans le même esprit que toi, Pyjama, ma petite vidéo de rigolade assurée. Il y a des bloopers mais il y a aussi juste la scène pure du film dans Bruce Tout-Puissant où Jim Carrey. Et où les gens découvraient Steve Carell un peu. Bien sûr. C'est où Jim Carrey fait dire n'importe quoi à Steve Carell parce qu'il a les pouvoirs de Dieu. Oui. Et du coup, il lui nique son direct à la télé en lui faisant dire n'importe quoi. Mais il paraît d'ailleurs que sur le plateau, tout le monde a halluciné de ce que faisait Steve Carell, de ce qu'il proposait et tout machin. En fait, quand t'arrives à voler la lumière à Jim Carrey sur un plateau, c'est que t'es à cette époque-là et tout, putain, top de sa forme. Ils ont pratiquement le même nom de famille, c'est ça qui est amusant. C'est vrai. Oui. Non, mais ils l'avaient pas, ils ont changé justement à ce moment-là. Ils avaient pas du tout le même nom de famille. Ouais. Steve Estatoff à l'époque. Rien à voir. Et Jim, c'était Jim Bootbull. Donc, tu vois, ils étaient très loin en fait. Oui, bien joué. Trop hâte de crier ça quand je vais rentrer seul chez moi ce soir. Ensuite, deuxième reco, je dirais. Pareil, c'est pas nouveau, mais c'est un artiste que moi j'adore. Il a notamment fait de la musique pour des films. En tout cas, il y a une chanson à lui dans un film que j'adore. Et c'est cet artiste musical qui s'appelle Bon Iver. Alors, je crois que ça se dit Bon Iver en fait, parce qu'en fait il voulait écrire Bon Iver, mais il s'est planté, il a oublié le H et finalement. Non, mais c'est vrai. Oui, et finalement, il a gardé ça comme ça. C'est drôle. Comme les gens qui se tatouent Carpe Diem, mais sans le C. Personne n'a fait ça. Là, c'est vraiment Arpe Diem. Ça fait une vraie erreur. J'irai vérifier, mais je crois que c'est ce qu'on m'avait dit. Tu vérifieras sur toi, tu veux dire ? Ta statue, c'est ça. Oui, il avait fait la chanson d'un film que j'aime beaucoup aussi, de Zach Braff. Moi, c'était celui-là. Pas du tout celui-là. C'est quoi ce film? C'était, j'ai plus le titre en anglais, mais c'est le rôle de sa vie. C'était le dernier film de Zach Braff et dedans, il avait une chanson qui était vachement bien. Ah oui, de Zach Braff, pardon, ça y est, je recolle. Peut-être petite imitation de Bon Iver, du coup, Pierre. T'as dû la bosser celle-là. Ah, pas mal. J'ai fait au hasard. Non, je te crois pas. Je te jure. C'est vraiment sa tessiture. C'est vraiment sa tessiture. Peut-être que dans mon inconscient, je l'avais. Mais j'ai écouté qu'un album. c'est quoi, ouais, c'est 99 million bien. Non, ouais. C'est quoi, c'est ça, son ouais, album c'est ça. Non, je crois que problème. C'est ouais, ah, oui, ah non, voilà. Ouais. Ah pardon, c'est Jay-Z moi que j'aime depuis le début. Autant pour moi. Qui est vachement bien. Waouh. Donc Jay-Z, non, Bon Iver, For Emma, c'est celle-là que tu chantais, qui est très très belle. Et puis sa chanson très connue, c'est Skinny Love. Voilà. Skinny Love. Fait très mal. Non, t'as combien de cordes à ton arc? Tu peux nous dire. Bah, c'est une harpe pour ouais, cordes vocales ouais. En tout cas. Voilà, donc Bon Iver, j'adore. Et le film auquel je pensais, moi, c'est The Place Beyond the Pines. Ah, bien sûr. Qui est un film sur la paternité qui est magnifique. C'est vraiment le film où, si tu veux me faire chialer, il suffit vraiment de mettre les 5 dernières minutes de ce film. Incroyable. Je suis... Juste les 5 dernières. C'est un peu bah, court. En fait, c'est parce qu'il y a la chanson de Bon Iver dans les 5 dernières minutes. Et il y a Ryan Gosling. Il y a Ryan Gosling. Il y a Bradley Cooper. Le film est pas assez connu en France. Et. Franchement, c'est un film magnifique, voilà, avec Eva Mendes aussi. Ouais. Je crois qu'ils se sont rencontrés sur ce film-là, Eva Mendes et Ryan Gosling. Ils sont un couple. Petit potin, les pommes ça, d'ailleurs. C'est... Non ils mais j'aime tout en fait. Les compotins de pommes. Ah oh, bien joué. J'aime tout dans ce film. Ouais. La manière dont c'est filmé, la lumière, le script. Je trouve ça pudique tout en étant super émouvant. Et c'est Derek Chan Français, le réalisateur, oui. Qui n'a pas fait un truc aussi ça, fort, je trouve, hein. Depuis, mais qui a vraiment fait un grand après, film moi, avec ça. Si, Son of Metal, moi j'ai quand même trouvé ouais, Son of Metal, ouais. Ouais, ça, Son of Metal qui est bien, mais ouais. qui cherche un peu t'es plus son scénario. Une éponge, on appelle ça une éponge. Oui, c'est vrai que je suis influençable, mais quoi. Je suis influençable. Et ma dernière reco, vous la connaissez très bien cette reco. Pauline, je pense aussi, peut-être. Non, c'est pas le Floodcast. C'est tout simplement Key & Peele qui est encore en France. Reste un peu un truc underground de, voilà. Key & Peele, c'est un duo d'humoristes américains. Vous en avez déjà parlé dans le Floodcast. Mais pour ceux qui ne seraient pas allés voir, vraiment allez voir. C'est vraiment les deux humoristes les plus forts et les plus transformatifs qui existent, à la manière justement de Jim Carrey peut-être à l'époque. C'est des mecs, ils vont très loin dans le maquillage, la composition de personnages. Ils font des gangstas mexicains, ils font Barack Obama, ils font des policiers magiciens. Ils vont très loin dans les compositions. Le dernier, il me parle, tu vois. Non, mais policiers magiciens, il arrête les gens et il les laisse pas repartir parce qu'il veut il veut essayer ses tours sur eux. C'est juste exceptionnel. Okay. Key & Peele. Voilà. Écoute, j'ai tapé avant-première five à Paris. Et ça dit juste que c'est au Phuket, donc je pense pas, c'est Phuket barrière. Je sais pas du tout si c'est ça. C'est vraiment sur les champs le Phuket. Je me dois d'être honnête. Sur les champs. Avant première de Pierre Ninet et ses potes, c'était le titre. Mais c'était la que clique de Pierre c'était Ninet. Que des trucs imbuvables comme ça. Et Pierre et ses potes. Oh putain, j'ai retrouvé le mail d'invitation de l'avant-première. Et alors les mecs traitent mail. Déjà, tu me fais très peur. Hein, je m'en parle, regarde. Ouais, c'est pas toi, ça peut-être. Il y a un gif avec qui est pas. Publicis Cinéma, 129 avenue des Champs-Élysées, 7508, Paris. Je suis content, écoutez-moi bien. Ah, c'est marrant. Je suis très comme content. Dirait un ami à moi. Qu'on ait débunké cette histoire. Ouais, c'est Hugo Décrit, c'était sur le coup, c'est pour vous. Ah, bah il va être rouge demain. Rouge, ça ne se dit pas du tout. Rouge de colère. De ne pas avoir débunké. Rouge comme une bonne pomme rouge. Bon, allez, je comprends bien, mais attends. Ciao. J'ai la mienne aussi. Moi, je vous conseille un bouquin. C'est ah oui, bah oui. Non. Le bouquin. Ça s'appelle Seeker in the Head. Et c'est le nouveau livre de Judd Apatow. Il y en a un deuxième. Il avait fait Seek in the Head, où il interviewait déjà plein de gens. De Adam Sandler à Chris Rock à Gary Shandling à Daniel Guichard. Oui. Pas la meilleure interview sur la comédie qu'il ait fait, mais bon, il y avait au moins la, il y avait la vie Daniel avec en fait, son vieux père dessus râpé. Non, nul. Renaud, une fois de plus. Ouais, Renaud. Et donc là, il a fait des nouveaux humoristes, et il y a des gens super intéressants parce que il y a genre Sacha Baron Cohen qui raconte quand même comment il fait un petit peu ses caméras cachées, etc. Imitation. Ah, il y a Whitney Cummings, il y a Nathan Fielder. Non, pardon, c'est pas une imitation, j'étais vraiment. Non, mais il y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a autant Will Ferrell que Anna Gatsby, donc il a John Mulaney, donc il a aussi toute la nouvelle vague des humoristes. Et du coup, c'est super intéressant. Et moi, j'adore ce format. Je me disais, il a fait une suite, bon, il a un peu tiré sur la corde, il a dû un peu faire les fonds de tiroir, et en fait, non, pas il y a quand tout, même des. Pas du tout. Non, il y a John Cleese aussi, enfin, c'est très large en plus, comme. Ce qui est trop bien, en fait, vu que c'est Judd Apatow et que c'est une gigastar, il peut avoir un peu qui il veut. Et moi j'adore ce format parce qu'en fait on a beaucoup de justement des podcasts avec des gens marrants Et moi j'aime bien le côté bouquin quoi, parce que tu le lis un peu à ton rythme, et mine de rien je trouve que tu retiens plus le truc qu'un long épisode d'une heure où un gars raconte sa life. Le livre, je trouve ça vachement genre cool. Genre des textos avec Tom Cruise et tout quoi, par genre. Il avait bien retenu. Je veux bien chier dessus, je reviendrai jamais. C'est la première et dernière apparition. Ah bah c'est sûr et certain. Dans un podcast. J'ai compris même pas très vite que tu reviendrais pas, donc je suis. Oui, autant se dire la vérité. Chevaux, ouais, achève-le, achève-le. Bien sûr. Dernier tour de table pour l'actualité de chacun. Pyjama, tu as donc ton nouvel album qui est sorti. Le livre pour enfants. Ouais. Et donc tu vas faire des concerts à la rentrée. Alors ouais, écoute, je viens de les poster sur Insta. Bien sûr. Allez me suivre sur Insta. Tu parles d'Instagram à l'application. Et Insta. Je vais même, vu que j'ai bien bossé, te lire l'intégralité des dates si vous êtes évidemment en France, puisque tu joueras à Clermont-Ferrand le 11 juin, au Transborder de Villeurbanne le 24 juin, à Paris le 6 octobre aux Étoiles de Paris, et il y a plein d'autres dates autour, mais je vous invite effectivement à aller sur l'Insta de Pyjama pour voir tout ça. Six boules. C'était vraiment Pierre, bien placé. Pierre, je crois, ton prochain film c'est Mascara, en fait. Et bah, tout à fait, mon prochain film qui sortira en octobre ou novembre, je crois c'est octobre. Mascara de Nicolas Bedos. Mais qui vient de sortir, enfin que Cannes a diffusé. Exactement, qui était présenté ça, à Cannes. Bien passé. Très bien passé, toujours content. Très impressionnant, énorme salle de 3000 personnes. Bien habillé. Bien habillé, et non, toujours quand même très impressionnant cette salle festival. Et c'était, ça s'est super bien passé. Voilà, c'est avec Isabelle Adjani. Et je suis fatigué. Bonne soirée. Et François Cluzet et Marine Wacht. Bien sûr. Et moi j'ai eu la chance de voir le film. Et je trouve, enfin, tous les comédiens sont incroyables. Vraiment. Merci. C'est un vrai plaisir de comédien, ce film. Parce que c'est vrai, c'est voilà, c'est évident. Non mais vraiment, vous l'avez toujours au bon moment. Bah oui, ils sont forts. Faut savoir quand sucer les boules, hein. Bon, comme c'est, on dit, c'est un don. Vous en avez déroulé du câble. Ah oh là, ouais, pas qu'un peu. Et sinon, Le Flambeau aussi, qui est en ce moment. Et oui, tout à fait. Le retour du docteur juif. Complètement. Le retour du docteur juif avec Jonathan Cohen. On a encore beaucoup, beaucoup rigolé. Bien sûr. Et du coup, retour des thérapies bancales du docteur juif. Évidemment, sur la cuisine. Et Adrien ? Bah écoute, donc, déjà moi je suis ravi de passer après Pierre en termes d'actu. On finit toujours après toi. Mais bien sûr, toi, bien voilà. sûr. Non mais moi toujours pareil, écoute. Visitor sur My Canal, ouais. Et Derby Girls saison 2 sur. Tout à fait. Et non, et de nouveaux épisodes des Mestiers, oui. Qui sont ah, en montage. Attends. Bah alors, me pointe pas du doigt. Et toi Florent ? Bah moi pas grand chose en vérité là en ce moment. On développe des trucs. Et puis peut-être, Inch'Allah, un jour Feuilleman. Voilà. Bah, ouais, hein, j'ai la chance d'avoir un peu écrit dessus. Enfin, on a la chance d'écrire dessus et on espère que ça va se faire. On ne sait pas où, on ne sait pas comment. Chut, j'ai envie de dire. Il sera peut-être de retour, Feuilleman. Peut-être. Ça nous ferait bien plaisir. Il y a eu beaucoup de questions. T'as vu, je les ai tous mis sous le tapis parce que ça reste secret. Non, mais on a très envie de le faire vivre. Bah oui. Et puis on a commencé à imaginer plein de trucs ensemble. Avec Florent qui a complètement l'ADN 2000 de toutes les références, tous les films qu'on adore de super-héros et tout. Donc c'était très excitant. On verra si ça devient quelque chose. Mais il y a une grosse demande en fait. Vraiment, moi j'ai fait 50 comédies françaises et tout le monde m'appelle Feuilleman dans la rue. Donc c'est à la fois très navrant en fait. Arrêtez, je fais passer le message. Et en même temps, bon, je peux pas vouloir aux gens, c'est cool aussi. Bah c'est ouais. En vrai, c'est cool. Bah ouais. Bon, merci tout le monde, merci d'être venu. Merci à beaucoup. À très bientôt. Salut. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.